Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans un monde chaque jour un peu plus injuste et merdique. Non, pardon, c'est pas du tout, on va la refaire. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue une nouvelle fois dans l'Estamineur, votre rendez-vous techno-société et culture pop. Notre établissement est ouvert jour et nuit, il vous accueille sur Deezer, sur iTunes, sur Spotify, sur Podcast Addict, sur Google Podcast, bref, partout où on sait lire des flux RSS. Je m'appelle Matt et nos convives du jour sont Monsieur V pour Valentin. Bonsoir Valentin, ça va ? Mais bien et vous-même ? Oui, vous n'avez pas envie de faire du bruit ce soir pour Valentin. Qu'est-ce que je vous sers mon petit Valentin ? Ah, une petite pizza au thon s'il vous plaît, ça me ferait bien plaisir, j'ai un peu faim. On va débriefer tout ça car j'ai fait mes devoirs côté pizza. Ah. On va débriefer tout ça avec l'inénarrable monsieur Chris 2. Bonsoir Chris 2 ! Salut Matt, comment ça va ? Ça va mon petit Chris 2 ? Eh bah écoute, oui je suis content d'être là, hein, toujours. Meilleure émission de France, hein, de toute façon les Stamineurs, donc on ne peut qu'être content d'y participer. En fait, bon, y participer c'est un bien gros mot pour toi vu ta contribution, mais en fait tu l'écoutes avant tout le monde en fait, en avant-première. C'est-à-dire que t'écoutes l'émission, tu ricanes et puis t'as passé une bonne soirée. Bah c'est ça, ça m'évite de la réécouter après, voilà je l'ai entendu en live et c'était bien quoi. Ce soir je n'avais pas envie de te demander ce que tu vas boire. Bah ça tombe bien parce que j'ai pas d'idée du tout, donc je propose qu'on passe cette étape, ça voilà. M'évitera de faire un bide. Et on va passer même une deuxième étape puisqu'on ne va pas saluer Mister Yanda qui n'est pas avec nous ce soir. Ah bah bravo. Oh non. Et du coup nous avons un bouche-trou. Ah. Eh oui. C'est bien vendu hein. Salut bouche-trou, est-ce que tu peux te présenter, dis-nous ton nom, comment tu t'appelles, tout ça, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien salut les enfants perdus, moi c'est Romain de la chaîne Archeo Toys et... Je dois avouer que je suis un des rares auditeurs de ce podcast avec vos mamans respectives et je me suis dit voilà, ça manque d'un peu de sérieux, ça manque de source, il faut une main de fer pour redresser tout ça. Donc me voilà, je me suis débarrassé de l'autre là et puis on va voir ce que ça va donner cette semaine. On a fait ça, on s'est dit que c'était une bonne récompense pour les gens qui ont suivi les premiers épisodes du podcast. Donc on a pris à tous vos noms qui êtes abonnés. Et chaque auditeur du podcast aura le droit de faire un épisode avec nous. Ça nous fait 3 prochains épisodes déjà de Calais et ça c'est toujours agréable. Romain, tu es donc pour faire très très court, tu es donc une sorte de youtubeur, de créateur de contenu en vidéo sur les internets et tu t'intéresses principalement aux jouets, n'est-ce pas, et aux parcs d'attractions. Effectivement, j'ai une chaîne qui parle de jouets, de parcs d'attractions, bref de divertissement et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est surtout eh bien, de repérer les vieilles techniques marketing et d'en faire le miroir de notre époque puisqu'on n'a jamais été aussi... manger par les commerciaux et essayer de trouver l'origine de tout ça. Pourquoi est-ce que actuellement 4 trentenaires avec des t-shirts Tortue Ninja s'apprêtent à discuter de trucs qui n'ont pas grand intérêt dans la vraie vie? Et bien c'est le but d'Archeo Toys. On a énormément de trucs à voir avec toi parce que tu n'as pas fait que ça. Il y a des bouquins, il y a des crowdfunding, il y a plein de choses avec des toi qu'on a envie de voir. Pour une fois qu'il a un accent correct, on va pas non plus... Surtout que j'ai entendu Romain dire financement participatif en anglais tout à l'heure. C'était tout à fait scandaleux. Et effectivement, mon accent pour tout ce qui est contributif est très mauvais. En fait, on a discuté d'un truc avec les gars ce week-end. Je vous raconte l'anecdote. Je viens de racheter des figurines McFarlane Toys de Spawn, qui sont des figurines en boîte. Et les premières générations de McFarlane Toys, le fond de la boîte, c'est un comics. Et donc, on avait ce débat. Attends, mais du coup, le comics, moi, je peux pas le lire. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, il faudrait que je l'ouvre pour savoir. Mais si j'ouvre mon truc, le jouet perd toute sa valeur. Enfin, du coup, c'était une vraie question. On avait une vraie problématique autour de ça. On s'est dit, on va demander à un spécialiste. Romain, est-ce qu'il faut ouvrir les blisters de nos jouets? Eh bien, ça dépend lesquels. Effectivement, McFarlane, c'est un bel exemple. Les McFarlane sont bien mieux sans la boîte qu'avec. Tout simplement parce que Todd McFarlane, le patron de la boîte, avait développé le produit pour qu'il soit ouvert dans les comic shops. Donc c'est pour ça qu'il y a un comics, il est fait pour être lu. Et puis surtout, les McFarlane sont très souvent des mini statuettes en PVC plus que de vraies figurines ou de vrais jouets. Et c'est une fois hors de la boîte, dans leur petit diorama, qu'elles claquent le plus, à la différence des jouets des années 80 ou des rééditions des années 80 qui, elles, sont prévues juste pour donner envie... Et quitte à ce qu'elle reste quelques décennies sous leur plastique. C'est quoi un diorama ? Enfin, c'est con, mais je... Alors, un diorama, ça va être la mini-scénette que tu trouves souvent, par exemple, dans les Movie Maniacs de chez McFarlane. Tu vas avoir un petit socle avec un petit morceau de carton qui tient avec un plastique derrière, et ça te permet d'avoir une chambre d'enfant derrière Chucky, ce genre de choses. Elles ont vraiment été pensées pour être exposées, et ça, c'est cool. C'est vrai, ouais, c'est le vrai truc. Vous êtes... Chris, un petit peu, je sais, mais Val, toi, tu collectionnes un peu des toys comme ça, genre... Genre comme cette figurine que vous ne pouvez pas voir en podcast audio, mais que je dois avoir depuis 2002 et qui n'est toujours pas déballée. Alors les jouets de ce type-là, non, non, pas non, du tout. Toi, tu préfères d'autres types de jouets, coquin. Oh ouais. Oui, et ceux-là, je les expose de la même manière dans ma vitrine, comme ça, mais les gens qui viennent chez moi... Tu les déballes ou tu te fais mal ? De quoi, pardon ? Tu les déballes ou tu te fais mal, du coup ? Je ne m'épandrai pas davantage sur le sujet et je trouve ce choix de mots très très accurate. Il y a des jouets qui sont connus pour jamais être déballés par les collectionneurs. C'est les pop qui sont collectionnés dans leur boîte, qui te font des belles étagères comme ça, bien remplies, avec une belle collection. Non, ça c'est pas vrai, parce que moi j'ai des pop, bon, je me confesse aujourd'hui, j'ai des pop, et quand je les montre, effectivement, moi je les déballe pas, j'empile les boîtes, et à chaque fois les gens me disent, bah pourquoi tu les sors pas des boîtes ? Bah je dis, écoute, essaye de les empiler sans les boîtes, mon con, et tu verras si c'est facile. Hein ? Tu offres des pop en plus, tu fais pas qu'en avoir, tu en offres. C'est vrai, j'en offre, je t'en ai offert à toi notamment d'ailleurs. Ouais, une cable. J'ai très peu de pop, mais le peu que j'ai, je les ai déballés, moi, parce que je vois pas l'intérêt de les garder emballés. Alors oui, c'est joli à l'exposition, mais autant aller dans un Micromania, c'est exposer tout pareil, et puis tu t'as pas payé toute la collection, vu que tu es dans le Micromania. Donc bon, c'est pour ça que je préfère les avoir déballés chez moi, les 4-5 qui traînent. Quand j'en ai eu pas beaucoup, je les déballais aussi, et à partir du moment où elles ont commencé à prendre... une étagère plus une pop, et qu'il a fallu, comme dit Christ, les emballer. Bah, soit t'en mets une derrière l'autre et tu les vois plus trop, soit tu les remets dans leur boîte et tu les emballes dans leur boîte carrée. Quoi. Quelle a été fait pour ça, en fait ? C'est comme les bouteilles de Jack, c'est fait pour être bien serré et en mettre plus dans un carton, tu vois, ces trucs-là. On perd pas de liquide. T'aimes bien les pop, toi, Romain ? Ben, je pense que je suis un. Je peux l'avouer, moi aussi je possède des pop, j'en ai un petit carton, mais elles ont une destination finale qui sera une vidéo. Donc je ne les collectionne pas pour le plaisir, je les collectionne pour le travail, on va dire ça comme ça. Mais non, pour moi, la pop n'est même pas ce qu'on pourrait considérer comme une figurine de collection. Après, ça, c'est à débattre. Mais ça en dit beaucoup sur notre époque, plus que sur ses fabricants. sachant que le génie des pop, c'est de réussir à nous vendre 12 euros. Un truc qui, à fabriquer, en coûte 1,28€, je crois. Ah, 12 euros, t'as un bon filon, elles sont pas chères les tiennes. Maintenant, on les trouve dans mon Intermarché. Tu vois, il y a pas très longtemps, j'en ai trouvé chez Leclerc. Là, c'est carrément Intermarché. Mon Intermarché de quartier, tu vois, le petit Inter où j'allais acheter ma bière quand j'étais jeune. Les pop sont partout, c'est devenu un produit de consommation, pas de base, mais on va dire, en tout cas en termes de culture pop, qu'on trouve absolument partout et bien plus facilement que la plupart des marques de collection. Et ça pose des questions, notamment sur à qui appartient Funko, ce tentaculaire fabricant, et puis quelle est leur finalité, en fait. Est-ce que leur but, c'est de créer des choses ? Est-ce que c'est de les reproduire jusqu'à plus soif ? Ce qui est certain, c'est que c'est un produit particulier qui pose des questions et qui n'est pas anodin. Moi, j'ai tendance à dire que les pop sont des cale-portes ou au mieux des presse-papiers. Non, mais c'est parce que tu les trouves pas jolis, ça. Alors, en fait. Même au-delà du design qui est pas moche, hein, leurs petits yeux pervers de requin blanc sans pupille peut séduire, je pense, des esprits devenus fous par la lecture de comics forcément violents. Mais au-delà de ça, c'est surtout pourquoi. Effectivement, moi, ce que j'aime dans ma collection de figurines, puisque pour les auditeurs qui ne le savent pas, j'ai une petite dizaine de milliers de figurines à la maison qui sont en partie exposées et mises en scène. Ce que j'aime, c'est ce qu'elles révèlent de moi, mais ce qu'elles révèlent également de mon époque, que ce soit des figurines que j'ai pu connaître étant enfant ou des choses plus anciennes, puisque je crois que mon plus vieux jouet date de moins 3000 avant Jésus-Christ. Donc tu vois, j'ai une fourchette de une timeline. C'est peut-être un ancien joueur à maths, faudrait vérifier. Ouais, t'es plus jeune que ça. Toi, t'as T'as quel âge, j'ai 35 ans, mais là, on parle de jouets. Après Jésus-Christ. Préhistorique. Après Jésus-Christ. Au moins. J'ai quelques pièces de musée, on va dire ça comme ça. Des jouets vraiment très anciens, des jouets antiques. Mais ils ont tous une dimension qui va au-delà d'eux-mêmes, au sens où ça va être une vache en terre cuite ou c'est un Dark Vador en plastique. Ils sont faits pour jouer, ils sont faits pour être manipulés. Là, la pop, en fait, elle est faite pour être regardée. Et ce qui pose question, c'est pourquoi est-ce qu'on a envie d'avoir. Un Chucky qui est déjà très moche au demeurant, mais en plus dans une version déformée où elles se ressemblent toutes, hein, puisqu'il y a assez peu d'inventivité possible dans les sculptures de pop, et on tombe presque dans un caractère religieux qui moi aussi me passionne. C'est un petit autel en fait. Je pense que ce que Valentin ou Matt peuvent avoir, ou Chris peuvent avoir chez eux, ça se rapproche peut-être d'un autel gallo-romain où on avait les divinités de la maison. C'est un peu ça, à l'entrée, tu vois, à côté des clés et du bol où tu mets les pièces qu'il y a dans tes poches, on aurait quelques pop et on les touche avant de partir, un petit peu comme des divinités, Captain America est avec moi, même au quotidien, il va y avoir tous vos héros préférés. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est la normalisation, parce que ce sont des bibelots, en fait. Et on risque d'être tous très déçus quand dans 20 ou 30 ans, les générations suivantes auront la même impression que nous face aux bibelots de nos grands-mères, quoi. Vous vous souvenez, ces petits chats en cristal extrêmement moches, ces petits canards achetés des fortunes à Venise. Les collections de chouettes aussi, ma grand-mère, les collections de chouettes hallucinantes. De cochons, moi j'ai été traumatisé par cette horloge avec le petit manège qui tourne en dessous. Je pense que les générations suivantes verront ça comme ça. Et ça va très vite devenir kitsch. J'ai une petite anecdote, si je peux me permettre, très rapide, sur la collection de chouettes de ma grand-mère, qui est absolument pas, C'est pas caca cette fois, non ? Non, c'est pas caca du tout. Non. C'est ma grand-mère, elle comprend rien à notre monde actuel, ni elle est absolument pas geek ou quoi que ce soit, du tout. Mais j'ai quand même réussi, et je suis assez fier, à lui mettre une carte de. Oui, finis ta phrase, oui. À lui mettre une carte Pokémon. Dans sa vitrine, une carte de Oot-Oot, le Pokémon Oot-Oot. Donc parmi toutes les chouettes, il y a une carte Pokémon avec Oot-Oot dessus. Et puis, qu'elle a mis là, je lui ai dit ah, tiens, regarde, c'est une chouette et tout qui est dessus. Elle fait ah oui, d'accord. Et puis elle l'a mise dedans. Et du coup, ça fait des années là qu'elle est là. C'est une chouette collection. C'est excellent. Voilà, c'était la petite anecdote personnelle et intime de Valentin. Merci Valentin pour cette anecdote. Et je me permets de rebondir dessus. Parce que le mec a pris le pouvoir. Excuse-moi. Clairement. La personne qui fait les relances, le rôle est déjà pris, d'accord ? Donc il va falloir que tu te trouves une autre façon d'exister ici. Mais tu viens de dire un truc très beau et très vrai et qui du coup me permet de rebondir un peu sur les pop. C'est que ta grand-mère, elle est dans le partage. Tu vois, que ce soit une chouette Pokémon ou une chouette qu'elle a achetée dans les Alpes parce que dans un magasin de souvenirs il y avait un vieux qui fabriquait des trucs, ou un truc en résine que sa sœur lui ramène d'un voyage en Grèce. Elle va tout mettre dans une vitrine. Les pop, c'est un peu totalitaire en fait. Parce que quand tu collectionnes les pop, tu collectionnes que les pop. Et même si je te ramène une autre figurine, tu vas me dire ça ira pas avec les pop. Ça va faire tâche. Ouais, voilà, ça va faire tâche. Il y a moins de partage, à mon sens. Il y a un truc un peu qui me paraît vraiment normatif. Toutes les vitrines se ressemblent. Il y a un truc qui avec les pop, c'est la vitesse à laquelle ça a pris en fait. Tu vois, moi j'ai dû acheter ma première en, je sais pas, peut-être 2012, un truc comme ça. Et en fait, il y en a partout. Enfin, j'ai traîné. L'exemple qui m'avait marqué, c'est à Toulouse, place du Capitole. J'y étais il y a pas l'été dernier, mais celui d'avant. Autour de cette place, il y a 6 boutiques de pop. Il y a 4 boutiques qui ne vendent que ça. Et après, t'as des boutiques genre album ou je sais plus comment ça s'appelle, cette boutique de comics, où t'as en plus des produits dérivés et des pop, quoi. Mais c'est-à-dire que dans ce périmètre-là, t'as 4 boutiques consacrées qu'à ce produit-là, uniquement ce produit-là, quoi. C'est quand même la force des pop, c'est les licences, c'est comme Lego, tu vois, ils ont pratiquement toutes les licences. Moi, pour le coup, mon mur de pop, c'est pas du tout un truc... Il est passé de quelques-unes à un mur de pop, le mec. Oui, je mets des guillemets qu'on voit pas, évidemment, c'est de l'audio. j'ai une trentaine de pop à la maison, donc c'est pas non plus une collection. Je sais qu'il y a des gens qui collectionnent des centaines et des centaines et qui accumulent vraiment à mort. Moi, en fait, ce qui me plaisait, c'était de pouvoir mélanger un peu toutes les licences dans le même format, comme quelqu'un qui a plein de mini figurines Lego, tu vois. Et donc, moi, dans mes pop, tu vas retrouver Musclor, tu vas retrouver Minus et Cortex, puis tu vas retrouver Piccolo de Dragon Ball, tu vois. J'aime bien ce côté un peu chamarré de la collection. Et notamment parce qu'il y a des figurines que tu ne trouves pas vraiment dans d'autres types, enfin des personnages que tu ne trouves pas dans d'autres types de figurines, par exemple Minus et Cortex. Moi je surkiffe Minus et Cortex. Si vous vous souvenez du dessin animé, il n'y a pas énormément de merchandising autour de Minus et Cortex, donc c'était plutôt marrant d'avoir les deux pop Minus et Cortex. Je t'enverrai une liste. Ah merci, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Et après pour le coup, c'est vrai que j'en ai acheté beaucoup à une époque. Je pense que la trentaine de pop, je l'ai acheté en peut-être 3-4 ans, tu vois, j'en ai acheté pas mal à une époque. Et là, depuis 2 ans, je n'ai pas acheté une seule pop. Parce que, en fait, j'ai plus ou moins complété, tu vois, ma liste de licences que j'avais envie d'avoir et c'est vrai que récemment, tout ce que j'ai vu comme nouveauté qu'ils pouvaient annoncer, c'est plutôt du ressucé de trucs déjà sortis, c'est des variantes, c'est des, elles sont dans d'autres positions, etc. Enfin. C'est vrai qu'il y a 65 couleurs de Batman, par exemple. Ouais, voilà. Je suis bien placé aussi pour savoir qu'il y a énormément de Deadpool, hein, voilà. Il y a beaucoup de personnages qui existent dans une incroyable variété de versions, ce qui parfois est plutôt sympa. Il y a des variantes qui sont plutôt cool, hein, mais il y a effectivement un aspect un peu trop plein et un aspect un peu de saturation. Enfin, moi personnellement, depuis quelques temps, je trouve que ça se répète un peu. Et d'ailleurs, je pense que c'est lié. Il en découle sûrement le fait qu'on en trouve partout parce que les geeks et le public visé à l'origine étaient peut-être arrivés un petit peu à saturation et à acheter un peu ce dont ils avaient envie. Et qu'aujourd'hui, en balançant ça justement dans les Intermarchés, dans les grandes surfaces et dans les trucs un peu plus grand public, on touche un public, un nouveau public qui, lui, avant, ne serait pas forcément penché sur les pop. Et puis, la pop, effectivement, c'est une figurine à 12-15 balles. Bon, quand les gamins passent devant, c'est plus facile d'acheter une pop à 12 balles que d'acheter des figurines de collection à 50 ou 60 ou 150 euros. Tu vois, il y a aussi une certaine forme de logique. Même si après, une belle figurine à 100 balles est plus intéressante que 6 ou 7 pop à 12 balles. Ça, on est d'accord, mais bon. Ouais, mais pendant que tu mets tes 12 balles dans tes pop, tu les mets pas dans des BD, par exemple. Tu fais pas vivre les personnages et les auteurs qui font exister ces licences. Ah bah ouais, complètement. Mais après, bon, en même temps, maintenant, même un comics, les moins chers, c'est 9,90€. Donc c'est quasiment le prix d'une pop, tu vois. Donc ça fait partie d'un tout. Enfin, tu vois, je suis pas sûr que tu choisisses entre je vais acheter une pop ou la pop, c'est l'achat complémentaire. Si t'en trouves dans tous les comic shops, dans toutes les librairies et tout, il y a peut-être des librairies et des magasins qui tournent grâce aux pop. Je sais que sur Paris, effectivement, quand tu vas chez Album, etc., t'as un magasin à côté là où ils ne vendent que des pop. Alors c'est assez flippant, en fait, c'est que des pop Disney et tout. Enfin, moi c'est vrai que ça, j'ai dit waouh, what the fuck. Il y a tout un rayon Harry Potter qui doit faire genre 20 mètres carrés, quoi. Enfin, faut vraiment être un fan hardcore, après pourquoi pas, hein, mais la pop de base, c'est l'achat complémentaire. Tu vas aller acheter tes comics du mois, tu vois. Puis tu vas regarder les pop, il y en a une qui est marrante, tu dis bon, de toute façon j'ai déjà claqué 100 balles, 200 balles dans des comics, je vais rajouter une pop à 12 euros, je suis pas à ça près. C'est un peu ça, tu vois. Enfin, je pense que c'est de base, c'est un achat, pour la majorité des gens, c'est un achat complémentaire. Après, il y a des gens qui sont devenus collectionneurs hardcore, mais enfin c'est comme n'importe quel truc que tu peux collectionner. Toi, tu vas manger une galette des rois, tu vas garder la fève, mais tu collectionnes pas les fèves pour autant à longueur d'année, tu ne chasses pas les fèves. Et derrière ça, il y a des gens hein. Qu'est-ce que t'en sais? Si, je le sais, écoute, t'as déjà assez de bordel chez toi, t'as pas besoin de fèves en plus. Mais écoute, ça regarde la réalité en face. Mais voilà, il y a des gens qui, effectivement, je pense, sont tombés dans une collectionnite aiguë et qui accumulent peut-être tout et n'importe quoi. Enfin, il y a énormément de variantes, comme tu disais, il y a 150 000 variantes de Batman. Bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant d'avoir. Moi, j'ai vraiment chaque perso dans une version, mais j'ai pas acheté 50 versions d'un même personnage, ça m'intéresse pas du tout, quoi. En version Comic-Con. Ouais, ouais, voilà, après. Les variantes, oui, en plus, c'est édité sur les salons seulement. Ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, c'est la politique commerciale de Funko qui veut ça. On est vraiment face à une entreprise qui fait en sorte de rendre des choses rares artificiellement pour donner envie d'acheter. C'est intéressant de se rendre compte à qui appartient Funko. Funko, actuellement, c'est à peu près 800 millions de chiffre d'affaires par an. Donc c'est podcast pas mal. Des révélations. Mais c'est peu en fait comparé aux autres fabricants de jouets. Pour vous donner une idée, Mattel, ça doit être presque 7 milliards et Hasbro, c'est 4 milliards 700 millions. Un truc comme ça en termes de chiffre d'affaires. Et en fait, Funko appartient essentiellement à des fonds de pension, donc des fonds de pension qui veulent faire fructifier l'argent des retraités aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'on a eu autant d'accords commerciaux et qu'on peut trouver du Funko partout. Mais c'est bien alors, ça veut dire que quand j'achète des Funko pour ma collection, je file un peu de retraite à ma grand-mère ? Non, c'est plutôt à des vieux retraités en Floride qui sont déjà très très riches, t'inquiète pas pour eux. Mais l'actuel PDG de Funko, qui s'appelle Brian Mariotti, si je dis pas de bêtises, il possède 2% de Funko. Funko, c'est vraiment un monstre qui appartient en gros à des fonds de pension et qui veut faire le plus d'argent possible. À la base, c'était une petite boîte fondée par des passionnés, un type qui s'appelait Mike Baker, c'était un passionné de Bubblehead, et il voulait trouver un Bubblehead Big Boy, qui est le personnage d'une chaîne de fast-food aux États-Unis. Il en trouvait pas, sauf à des prix de ouf, il a racheté la licence, il en a produit quelques-uns, et ensuite, il savait plus trop quoi faire. Et en fait, les Pops, à la base, c'est une gamme ratée. Il lance une gamme en 2011 qui s'appelle les Funko Pop, où c'est des petits personnages comme, je crois que t'as Batman, Superman, mais avec des têtes réalistes. Ça marche pas. Saison 2, du coup, l'année suivante, ils font la même chose, mais avec une tête un peu super déformée à la japonaise, et ces fameux petits yeux de requin. Et c'est comme ça que ça va exploser. Leur coût de revient est extrêmement bas. Pour les très grosses pop à 50 euros, ça leur coûte à peu près 3,50 euros à produire et à envoyer en Occident. Donc vous voyez un peu le bénéfice monstrueux. Et du coup, cette puissance-là, ils l'entretiennent avec des fausses exclusives. Effectivement, il y a les Chase, il y a les Fury, tu peux avoir un bébé Yoda géant avec de la fourrure si tu veux, mais il n'y en aura que un tous les 10 cartons. Et donc, ils créent un besoin complètement artificiel, sachant que les usines au Vietnam produisent 365 jours par an, et que de toute façon, les licences, ils achètent ça souvent peu cher. Et par exemple, ils ont la licence Astérix. Je crois que pour lancer une pop, c'est 5000 euros. Donc on peut lancer, okay. On peut lancer une pop de Chris. Ce serait beau. Pour 5000 euros, on aurait. Et puis ensuite, il faut acheter les 10 000 premiers exemplaires. Mais les moules ne coûtent rien. C'est une technique de travail du vinyle qu'on connaît depuis l'après-guerre, qui est adapté des sofubi japonais, qui sont des joints en caoutchouc. Et vraiment, c'est le niveau zéro, en fait, de la fabrication. Et ils vendent ça 10 fois le prix, au final. C'est bien plus valable pour eux que de faire de la belle figurine NECA ou de la figurine collector. On parle de rareté artificielle, mais en fait ça existe dans tous les domaines aujourd'hui. Je veux dire, les éditions limitées aujourd'hui, les jouets des années 80 sont devenus rares sous blister parce que les gens les ouvraient et parce qu'il n'y avait pas cette habitude de les conserver, de les protéger de la lumière, etc. Aujourd'hui, n'importe quel objet qui sort, il y en a quasiment une version collector. C'est valable pour les jeux vidéo, c'est valable pour les comics, les variantes cover des comics. On va te dire qu'il y a des tirages qui sont à 1 pour 25 exemplaires, à 1 pour 50 exemplaires, etc. C'est pas réservé au Funko Pop, quoi. C'est un truc de consommation de masse de la pop culture aujourd'hui où on crée par nature des objets qui sont artificiellement rares juste parce qu'on a décidé de pas en fabriquer plus. Et c'est pas parce qu'il y en a qui vont disparaître ou qu'il y en a qui vont s'abîmer. Enfin voilà, c'est. On vise un public de collectionneurs de base aujourd'hui, quoi. Ben, je pense que Funko est le seul à le faire autant, en fait. On parlait de 60 versions de Batman. Depuis le début, c'est le même moule. Et sur peut-être un tiers des 60 Batman, tout ce qui change, c'est un autocollant. Et même si, par exemple, IDW l'a fait récemment avec ses variantes de cover pour les Tortues Ninja, où il y a eu 25 variantes de cover et puis des choses extrêmement rares. Mais ça, on les trouve pas chez Intermarché. Là, le truc le plus ouf, c'est que tu peux tomber, avec un peu de bol, sur une pop très rare dans un Super U de campagne. Et je pense que c'est aussi ça qui motive les gens. Alors, c'est peut-être moins vrai en France actuellement avec le confinement, mais aux États-Unis, t'as des vraies chasses aux pop des types qui vont passer la semaine à chercher des Chase ultra rares perdus dans le Wisconsin. C'est quoi les Chase dont tu parles depuis tout à l'heure? Alors, sur un carton de pop produit à l'usine, jusqu'à il y a peu, ils mettaient une figurine sur 10 ou une figurine sur 100 au milieu du carton qui était plus rare que les autres. Et pourquoi ça s'appelle une chase? Bah, c'est la chasse, en fait, c'est ça. Exactement. D'accord, voilà. Très bien. L'idée, c'est de lancer le truc à chasser. Et vraiment, c'est les premiers à l'avoir fait à une échelle aussi grande. Ça, ils peuvent le faire grâce aux moyens offerts par leurs investisseurs. Et Mattel ou Hasbro se sent pas le marché pour le faire pour les collectionneurs adultes. Faut rappeler que même si on trouve de plus en plus de figurines dédiées aux collectionneurs, pour les géants du jouet, on reste 4 ou 5% de chiffre d'affaires comparé aux enfants. Les collectionneurs représentent très très peu. Certains distributeurs sont en train enfin de s'intéresser aux collectionneurs. On l'a vu avec Pickwick récemment, mais ça reste rare en France et aux États-Unis. Même si Target et Walmart ont des exclus d'à peu près toutes les marques comme elles le veulent, effectivement, il y a des murs de Funko comme j'en ai jamais vu, hein, même dans les Micromania dont parlait Valentin. Micromania qui ont lancé une sous-boîte Zing et qui est principalement dédiée aux produits dérivés, aux toys et donc au pop. Oui, Zing sert de distributeur à pas mal de belles choses. On l'a vu sur du Star Wars, les Micromania ont pu faire de l'événementiel assez sympa, mais se pose la question à long terme de comment on va finir le marché du jeu vidéo. Est-ce que on continuera à aller dans les Micromania juste pour acheter des coussins Super Mario ou des Funko Pop de personnages qu'on reconnaît pas? J'en suis pas sûr. L'impression 3D va pas tarder à arriver aussi dans les foyers, et ça risque de faire du mal également aux produits dérivés. Bah on va pouvoir avoir du piratage de Funko Pop en fait. Mais c'est en train d'arriver. Et du coup on pourrait faire des exclusives et on les revendrait nous-mêmes sur des... Ah, il y a des trucs à faire. Tu me donnes plein d'idées. Et si tu devais te réconcilier avec les pop et quand même en avoir une d'un personnage que t'aimes beaucoup et pour lequel tu pourrais transgresser tes a priori, j'ai envie de dire, ce serait qui? Et ben je l'ai fait, et ça va vous sembler probablement un peu mégalo, mais c'est une pop de moi-même. qui m'a été offerte par mon camarade Lapus pour la publication de Made in Toys, le bouquin qu'on a coécrit. Pour me troller, il a passé 2 semaines à fabriquer une fausse pop de moi, en mélangeant différentes pops qu'il a achetées. Enfin, il s'est bien fait chier. Et il a fait une jolie boîte, Archeo Toys, qui irait parfaitement. Il a découpé à partir d'autres pops? Ah ouais, c'est un custom complet. C'est un Frankenstein, en fait. C'est le pop Frankenstein. Il a une tête de Superman, mais il lui a dessiné une très jolie barbe qui paraît réaliste. T'as des lunettes qu'il a dû prendre sur un Clark Kent. Non, c'est très très cool. Je la reposterai si vous voulez sur mes réseaux sociaux en même temps que la sortie du podcast pour que les auditeurs puissent en profiter. Mais c'est... On la fera gagner. Si vous soutenez le podcast sur Ulule, restera unique. Ce serait vraiment l'horreur de me retrouver chez Leclerc. Il n'y a pas des boîtes qui font ça? Tu peux personnaliser tes pop en vrai? Il y a des customizers qui bossent là-dessus, mais ça reste artisanal puisque c'est forcément soumis aux droits d'auteur. Le Lilol, le droit d'auteur sur internet. Je suis en train de regarder les cotes de mes pop. Du coup, ouais, il y a des. Là où c'est, à mon avis, pour moi, je vois qu'il y en a une. Mon fils est fan, enfin, a été petit, donc il a été fan de Cars, donc. Il a acheté une pop de Martin, la dépanneuse de Cars. Alors déjà, moi, ces pops-là, tu vois, les pops qui... Genre la pop de Cars ou de R2-D2, par exemple. Enfin, c'est quoi la valeur de R2-D2? C'est un tube et puis il y a de la couleur dessus, quoi. Donc là, pour moi, c'était l'abus, le vrai foutage de gueule. Et alors, on l'a payé 10 balles, nous, cette pop de Cars. Elle vaut 47 dollars aujourd'hui, 47 dollars. Il y a quelqu'un qui la vend quelque part dans le monde à 47 dollars. Mais je suis sur un site spécialisé de pop price guide et du coup, t'as les cotes des pop en temps réel. C'est le marché, la bourse de la pop, quoi. Et ce qui est assez fou, c'est que ce délire autour de la rareté des cotes, c'est en train de prendre tout le reste du monde du jouet. On le voit de plus en plus avec des gammes pour enfants, notamment les poupées LOL, qui font débat là actuellement suite à des modèles en porte-jartel, qui sont destinés aux 4-11 ans. Ça coûte 14 euros. Valentin est donc euros. En train de fact-checker, mais c'est pour le boulot. Hein. Ça se vend en blind bag, donc c'est des boules, tu ne sais pas ce que tu vas avoir, tu payes ça 15 balles, et à l'intérieur, tu as une poupée de 4 cm, avec un style un peu pop, une grosse tête, des grands yeux, quelques accessoires, et t'en as une centaine, avec du coup des codes de rareté. C'est bien moche, dis donc. Effectivement. Pardon, excusez-moi, ça m'a surpris. C'est vraiment Funko a durablement influencé le monde du jouet. On est vers, en ce moment, des jouets en blind bag, donc des jouets en aveugle. Tu ne sais pas exactement ce que tu vas avoir. Bon, les blind bags, il y en a toujours eu. Ouais, mais babies, pas à 15 balles. Ouais, j'avoue que c'est cher, ouais. Oui, et c'était des trucs de marchands de bureaux de tabac, en fait. Voilà. Pour, et les boulangères. Là, c'est des rayons entiers. Lorsque j'étais aux États-Unis. Je viens d'aller checker aussi. Tu me dirais que ça coûte 5 euros. Je te dirais, ok, là, 15 balles, c'est grave. Mais surtout, des rayons entiers de blind bags. C'est, ouais. Qu'est-ce que tu vas. Du coup, c'est. Différentes séries, en fait. Non, tu vas acheter une série, série 5, Glider, Snow, mon cul ouais, sur la commode. Ouais, t'as des packaging différents, quoi. Voilà, et maintenant, tout sort comme ça, les petits poneys, t'as du Polly Pocket, et je pense que cette notion de rareté et de surprise, ça vient des unboxings sur Internet, avec les gamins qui ouvrent des cadeaux, bah, tu peux faire un peu pareil, et également, bah, tout ce système de rareté et de cote, qui, s'il vient du monde des collectionneurs de jouets, là, est directement allié au pop pour le grand public. Eh, c'est vraiment laid. Hein. Du coup, on a dit du mal des pop. Est-ce qu'on peut dire du bien de Super 7? Parce que je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Romain, même si je pense que j'ai vaguement une idée. Mais moi, c'est un fabricant qui, du coup, fait des jouets un peu à la sauce rétro et de très belles figurines aussi, en s'inspirant des modèles originaux, notamment pour les Tortues Ninja. Et ça coûte aussi une grosse blinde, notamment parce qu'il y a des frais d'importation. Moi, pour la dernière Tortue Ninja que j'ai acheté chez eux, j'ai eu le droit à une petite surprise de la douane. J'étais très content. Hein. Au final, la figurine m'est revenue à, je sais plus, 90 balles pièce, je crois. Ça m'a un peu calmé. Ça m'a un peu calmé, mais ce sont de très très belles figurines. Mais toi, je sais pas si t'as un avis là-dessus. Mais... Alors, moi, quand je tape Super 7 sur Google, je vois que des bagnoles, des vieilles voitures. Donc, c'est quoi Super 7 Alors, ça s'écrit Toys. Super 7 Toys. Ouais, oui, c'est logique en fait. Oui, au final. Enfin, je tombe que sur des miniatures de ces voitures que j'ai eues juste avant. Alors, tu mets bien un 7, mais c'est bizarre, c'est peut-être ton historique. Ah, par contre, j'ai mis 7 en toutes lettres. Ah oui, ah, c'est, oui c'est en fait, c'est Super 7, mais c'est avec un 7 comme le 7. Le voilà, j'arrête de vous interrompre et je regarde. Allez-y. Eh bien, je vais surprendre tout le monde. Je vais surprendre à la fois Matt, mais également l'auditoire, puisqu'il y a un gros lien entre Super 7 et Funko. En fait, Super 7 à la base. Alors là, je suis assez surpris quand même. Ah ben c'est fou. Super 7 à la base, c'est un magazine qui parlait de Sofubi, ces fameuses figurines en vinyle dont j'ai parlé plus tôt. Donc, qui sont des figurines très souvent inspirées des kaiju japonais ou d'Ultraman, des monstres parfois vus que quelques secondes. Ils ont d'ailleurs un rayon encore qui fait écho à ça sur leur site d'ailleurs. Effectivement. Et du coup, ce fanzine, on va dire ça comme ça, est devenu au fil des années un fabricant de jouets. Ils se sont liés à Funko pour une gamme qui s'appelait les Reaction, qui était à la base la reprise des figurines aliens jamais sorties en 1979, mais dont on disposait des prototypes de la firme, de la défunte firme Kenner. Ils avaient ressorti ces jouets-là en reprenant les vieux moules jamais utilisés en 79 et en les sortant avec le caractère un peu nostalgique et puis un peu moche des années 80. Ensuite, Funko a pris la licence à Super 7 et a sorti tout un tas de figurines. Vous trouverez à peu près tout, hein, les Gremlins. Retour vers le futur, quoi. Retour vers le futur. Le problème, ce sont des figurines inspirées des figurines Star Wars de 78 et que du coup, bah, elles ont au maximum 6 articulations, très souvent que 5, et qu'elles ont une jouabilité zéro en fait. Tu vas avoir des piquets en forme de en forme de oui, différents c'est héros. Style Playmobil finalement. Quoi. Voilà, ça se rapproche assez du style Playmobil. D'ailleurs, Super 7 a travaillé avec Playmobil pour des sorties de Playmobil géants, des Playmobil notamment Ghostbusters qu'on trouve encore chez Pickwick. je les aime beaucoup, Pickwick. Mais du coup, Super 7 fait des trucs très très cool. Et effectivement, là, depuis peu, ils ont sorti une gamme de figurines inspirées des années 80 avec tout d'abord du Cosmocats et depuis peu des Tortues Ninja. J'ai pris 2 Tortues Ninja pour ma part qui m'ont moi aussi coûté un peu trop cher pour ce que c'est. Je suis d'accord avec Chris. Même les taxes sont un peu abusées. Moi, j'en ai eu pour 80 balles la tortue. Ça m'a fait mal. Mais c'est très très cool. Mais c'est, voilà, c'est intéressant puisque Funko, c'est une énorme boîte qui appartient à des fonds de pension et qui sert de la nostalgie et d'un système de rareté pour au final avoir des jeunes. Et à côté, on a Super Seven qui est en fait un ancien fanzine, des vrais fans de jouets à l'ancienne qui ont réussi à monter leur marque et à s'en sortir. Donc le parallèle est intéressant. J'aime beaucoup Super Seven et quelque part, bah, j'aime beaucoup Funko parce que j'aime beaucoup les figures. Et qui font pas que des pop. Je viens de tomber sur l'Alien, donc Super 7, du coup. C'est entre très ridicule, par exemple, au niveau des mains, et à la fois hyper fun. Il y a un peu de détails, un peu de réalisme, on va dire. C'est pas mal. Les mains sont vraiment laides, ça fait vraiment ridicule, mais c'est mignon. Promis, la prochaine fois qu'on se verra, je vous en ramènerai, les gars, des aliens de chez Super Seven en reaction. C'est assez rigolo. C'est vrai. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que ça avait été pensé comme des aliens pour les enfants de 7 à 10 ans. Enfants qui ne pouvaient pas voir le film, hein, faut le rappeler. Donc, ils ont arrêté la production parce qu'ils ont eu peur. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ils pensaient avoir... personne n'avait vu le film et ils pensaient avoir affaire avec le nouveau Star Wars. Genre ça se passe dans l'espace, il y a des extraterrestres, ouais on achète. Et ils ont pas pu empêcher la sortie d'aliens géants de 18 pouces, donc qui font un peu plus de 45 cm, qui ont été vendus essentiellement au Canada, parce que la production de toute manière avait été lancée avant que qui que ce soit ait pu voir le film. Je suis chaud pour un alien géant de 45 cm. L'adresse de Matt s'affiche en bas de votre écran. T'as déjà un fils, non, pour ça, non? Oui, c'est vrai. Ouais. Quand tu vois en plus ce qui crache, c'est presque de l'acide. C'est une certitude. J'espère que, chers amis collectionneurs de pop, vous êtes toujours à l'écoute de cette émission. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous. Et on peut parler de tout ça sur les réseaux sociaux, les nôtres ou ceux de l'émission. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin, je vous rappelle que ce podcast, les Staminerds, compte sur vous. Oui, vous avez bien entendu, nous comptons sur vous. Car le podcast est dispo. Calme-toi, Emmanuel Macron, tu te calmes. Ce podcast, Chris, c'est notre projet. Et il est dispo sur Deezer, sur iTunes, sur Podcast Addict, sur Google Podcast, sur Spotify. Et il va falloir aller maintenant mettre les notes, les commentaires, les fameuses 5 étoiles. Ah oui. N'hésitez pas à nous soutenir, c'est gratuit. Tout à fait. On ne vous demande pas de donner tout votre argent pour soutenir ce podcast. Évidemment, nous sommes dans les créateurs Braves. Donc, Brave. Donc, si vous utilisez ce navigateur dont nous vous avons fait la promotion, oui. Eh bien, vous pouvez nous verser quelques bats. Ça, c'est bien dit. Ouais, c'est cool, hein. C'est con, Yanda n'est pas là pour les liens affiliés, mais bon. Ouais, bah en plus, on a cité beaucoup de marques. On aurait pu gagner de l'argent avec Pickwick Toys, notamment. Et voilà. Vous on aurait pu aller acheter en plein de description. Tu pourras... Qu'est-ce qu'on peut acheter chez Pickwick Toys? Est-ce qu'il y a aussi des vieux jouets ou est-ce qu'il y a que les licences pourries d'aujourd'hui? Eh ben non. Pickwick, déjà, moi, je ne connais pas du tout. Hein. Ils ont racheté Toys R Us, en fait. Donc, tous les anciens magasins Toys R Us, aujourd'hui, sont des Pickwick Toys en France. Ils ont sauvé Toys R Us, effectivement. Et effectivement, je peux témoigner, puisque j'y suis allé encore récemment, et qu'il y avait les Real Ghostbusters de Kenner, sortis en 88. Les rééditions étaient en rayon, en fait. Et c'est donc les mêmes qu'on a eu, celles du dessin animé. Qu'est-ce que tu me racontes ils font des rééditions de figurines des années 80? Ouais. Il y a des remakes au cinéma, en série télé, partout, et il y en a dans les jouets aujourd'hui, il y a des remakes. Le film était censé sortir là il y a quelques mois, il a été repoussé, mais on a quand même partie du merch. Je sais pas, un connard de virus. excusez-moi. Effectivement, ils se sont lancés dans un paquet de remakes qui sont sortis en dépit du repoussage. Et c'est très très cool de voir, de revoir le vieux Bouffetou, hein, des vieux Peter Venkman sous leur blister bleu d'époque en magasin. J'ai trouvé ça très très cool. Et ils commencent également à avoir des figurines de collection type Marvel Select, Black Series pour Star Wars, et à des prix plutôt concurrentiels. Donc je ne gagne pas d'argent, je n'ai pas de lien d'affiliation avec eux, mais je trouve ça vraiment cool que enfin la grande distribution de jouets s'intéresse un peu à nous et pas uniquement comme des vaches à lait. Donc non, c'est... Bah, en l'occurrence, pourquoi tu dis la grande distribution? C'est parce qu'il y a des fournisseurs qui fabriquent ces trucs-là. Oui, mais les rayons collector, on les trouve déjà par exemple chez Jouet Club depuis 2012. à des tarifs qui sont qui ne peuvent pas être intéressants pour des collectionneurs. Tu vois, ça peut fonctionner sur de l'achat d'envie de papa qui se promène, mais payer deux fois, enfin l'équivalent de deux fois le prix de ce que tu paierais sur internet, là quand la grande distribution commence à être raccord avec ce qu'on peut trouver sur le net, ça devient cool. Mais là du coup c'est des figurines qui sont pour les collectionneurs, c'est pas des jouets avec lesquels on peut s'amuser si on a un enfant ? Si, mais bah, disons qui est visé par des figurines issues d'un dessin animé Ghostbusters qui a 35 ans et qui n'est même pas disponible en Blu-ray et qui n'est même plus disponible non plus sur Netflix, bah forcément uniquement les nostalgiques. Je pense pas que on vise là vraiment les enfants avec ces rééditions là, même si elles sont tout à fait jouables et elles sont aux normes. Oui, les normes, c'est important. Et on va reparler de ça sur les normes des jouets des années 80, parce que j'ai appris quelque chose grâce à toi il y a quelques années, et tu as peut-être sauvé la vie d'un enfant qui vit avec moi. Mais avant, puisqu'on est dans les remakes de jouets, j'ai vu passer sur tes réseaux sociaux, alors j'étais fan des Dino Riders quand j'étais petit, j'ai vu passer des figurines bleues, dégueulasses, de Dino Riders. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors, ce que t'as vu, c'est l'annonce par Entertainment Earth, un distributeur américain, d'un reboot de la licence Dino Rider, qui avait complètement disparu des radars depuis 30 ans. On avait vraiment plus dans du tout de nouvelles des Dino Riders. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu, les Dino Riders, ce sont des mini-figurines de 6 cm, très articulées, qu'on pouvait mettre dans des dinosaures, enfin, pas dans, mais sur des dinosaures, dans un espèce d'univers futuriste à base d'extra terrestre qui luttait contre des humains. La série n'avait guère connu de succès, on parle de 13 épisodes à peine diffusés en France, mais les jouets ont marqué l'époque. Mais c'est super stylé. Les jouets, c'est des figurines de dinosaures qui sont vendues comme des figurines d'animaux, un peu articulées. À côté, il y a des pièces d'armure qui sont vendues. Si tu mets les armures aux dinosaures, ça devient une sorte de véhicule, et t'as des humains qui se servent de ces tanks qui en fait sont à base de dinosaures. C'est du mécadino, on mélange... Ouais, Et tu peux avoir à la fois des figurines de dinosaures, il y en a même qui sont vendues avec des pièges. Moi, je me souviens, il y a un ptérodactyle qui est vendu avec un piège qui s'ouvrait, qui était automatique. Et donc, tu peux jouer avec tes dinosaures façon dinosaure. Et si tu les habilles en armure, ça devient des trucs de combat futuristes pour une sorte de croisement entre Terminator et Jurassic Park, quoi. Alors, attention, si vous mettez Dino Rider sur Google, moi, je suis tombé aussi sur des figurines en Lego que je trouve 10 fois plus classe. C'est celle-là que j'ai vue en premier, en fait. Mais oui, effectivement, celles dont tu parles sont sympas aussi. Pour l'époque, c'est sorti en 87. Donc, il faut être gentil avec eux, ils sont vieux. Oui, pour l'époque, c'est du jouet de qualité, et d'ailleurs, les dinosaures ont été recyclés à plusieurs reprises, notamment pour le Smithsonian Institute, donc un des plus grands musées du monde, un musée américain, qui distribuait les dinosaures sans le côté armure dans son musée de la préhistoire. Tu pouvais les acheter à la boutique. Excellent. Sérieux ? Et plus tard, certains dinosaures ont été réutilisés pour la gamme dinosaures et Cadillac et dinosaures. Adapté d'un comics, d'un dessin animé avec un célèbre jeu sur console. Et donc ces dinosaures-là en plastique ont eu une vie assez longue. Ils ont été commercialisés sous diverses formes pendant presque 10 ans. 30 ans plus tard, on nous ressort les Dino Riders. Et effectivement, comme le dit très bien Matt, comme tu l'as exprimé dans ce cri pourceau, eh bien, c'est pas vraiment ce qu'on attendait. T'es vraiment un con. On est plus proche des petites figurines en gomme que nous on appelait les Cosmics, hein, des petites figurines de 3 cm en caoutchouc souple, sans articulation. C'est pas ça qu'on attendait, un peu décevant, mais on est d'accord, là c'est des trucs qui sont prémoulés avec les personnages, voilà. Tout en une seule couleur, c'est un petit truc, un petit pouce, quoi. Oui, c'est ça, on est d'accord que là je vois des trucs verts et violets, il n'y a aucune autre nuance, quoi. Mais il faut se dire que c'est pas trop grave. La vraie info, c'est qu'on reboot enfin les Dino Riders. Aujourd'hui, tout est possible. Là, c'est juste un premier produit proposé par un distributeur américain. À voir ce que l'avenir nous réserve. Moi, je ne serais pas surpris de voir enfin un reboot de Dino Riders. C'est peut-être un bon auspice que cette nouvelle gamme moche. on peut se dire que ça peut motiver les ayants droit à faire autre chose. Sauf si ça bide. De toute façon, c'est du Dino Rider. Ils vont pas en sortir des montagnes. Et ça marchera forcément sur quelques dizaines de milliers de nostalgiques. Donc c'est une série 1, c'est le début. Laissons voir, wait and see, comme disent mes amis islandais. Dino Riders, c'était trop bien. Bon. Les méchants, ils avaient des têtes d'animaux, c'était des corps avec des têtes d'animaux. Il y avait tout là-dedans, quoi. Et la dernière série de jouets avait carrément un mammouth. Wow. Pardon ? Oui, un mammouth avec une armure et tout. Non, mais c'était. J'ai connu le T-Rex, c'est le Diplodocus. Déjà, je pouvais pas acheter le Diplodocus parce que il coûtait 1000 balles. Oui. Ma mère, elle voulait pas l'acheter. Bon, c'était 150 euros pour vous les jeunes. Et du coup, moi, c'était mon drame de. J'en rêvais, quoi. Il y avait des petites portes qui s'ouvraient sur l'armure un peu partout. Un mammouth, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Alors, on est d'accord que l'actrice Winona Ryder n'a rien à voir avec cette histoire. Alors si, ils ont fait aussi les figurines où tu pouvais mettre une armure sur Winona pour la faire monter par des personnages à tête d'animaux. C'était scandaleux. Ah oui, ça devient bizarre là. Ok, très bien. Parfait. Allez, rebondissez là-dessus maintenant. Du coup, moi, j'en profite pour rebondir parce que Matt parle de ses vieilles licences et il dit sauf si ça bide. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a forcément des licences comme Pokémon hein, qu'on trouve tout le temps dans les magasins de jouets et tout, mais il y a plus de grosses licences qui existent depuis des années. Enfin, même si elles existent parfois de façon détournée, mais tu vois la gamme, par exemple, la gamme des Maîtres de l'Univers des années 80, la gamme des G.I. Joe des années 80, tout Maîtres ça. Maîtres de l'Univers, ça reboot, hein, c'est pas un bon exemple. Oui, mais je suis d'accord. Mais tu vois, c'est des retours de licence avec des nouveaux, soit des figurines rééditées, soit de nouvelles figurines, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gammes de jouets sont lancées, elles durent un an ou deux, mais on voit pas forcément des gammes de jouets qui durent aussi longtemps que celles des années 80 qui pouvaient s'étaler sur 5, 6, 7, 8, peut-être même presque 10 ans pour certaines. Action Man par exemple, tu vois, les Action Man, quand j'étais gamin, tout le monde, tous les mecs de mon âge ont dû avoir des Action Man et c'est une collection qui a duré extrêmement longtemps, et aujourd'hui j'ai pas l'impression, enfin, tout est très marketé pour voilà, faire un coup d'éclat à la sortie, mais si ça bide, il y a rien de prévu derrière, quoi. C'est un peu un système de saison, genre c'est la saison 1 avec les figurines, si la saison 1 ne marche pas, il n'y aura pas de saison 2. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne par rapport aux années 80 où il y a peut-être plus le temps d'installer certaines licences. Enfin, c'est l'impression que ça me donne, ça se trouve j'ai complètement tort, mais... Bah, t'as ouais, tout à fait raison. dans les années 80, on avait peut-être 12 grosses licences. Aujourd'hui, il y en a 600. Donc, il n'y a pas de place pour tout le monde. Quand on décroche la timbale, c'est la folie absolue. Pour rappel, Disney s'est remboursé du rachat de Lucasfilm uniquement sur les produits dérivés du premier film, qui leur a rapporté 4 milliards et demi quand même, juste de produits dérivés. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup trop de licences. Tout est une licence, alors que les fabricants des années 80 ont éclaté, ont été rachetés par différents ayants droit. Enfin, aujourd'hui, il y a vraiment de tout. Je pense que alors, je sais que certains d'entre vous ont des enfants, mais il y a des licences sur lesquelles qu'on voit peu, nous, en tant qu'adultes, tout simplement parce qu'on n'a pas grandi avec. Je pense à Bakugan, par exemple, ou même à Yu-Gi-Oh! C'est des licences qui sont nées au début des années 2000 et qui continuent à cartonner. Chaque fabricant continue tous les deux ans à peu près à inventer ou réinventer ses personnages. Après, il y en a tellement qu'on les voit pas, en fait. Et même les distributeurs, donc les supermarchés, les magasins de jouets, doivent faire des choix, en fait. Ils peuvent pas se permettre de tout avoir. Il y a tellement de choses que mieux vaut les commander sur Internet, puisque une fois, si tu vas en magasin, on va dire, ça on fait, mais on les a pas là. Y a vraiment beaucoup, beaucoup trop de sorties. Et étrangement, les enfants consomment de moins en moins de jouets. Arrête de jouer de plus en plus tôt. Ils passent aux jeux vidéo. Ils passent sur tablette, ouais, c'est ça. Tablette, jeux vidéo. On sait pas. En fait, le truc, c'est qu'on sait pas. Et surtout réseaux sociaux, apparemment. Même s'ils sont interdits au moins de 13 ans théoriquement, mais effectivement on perd les enfants assez vite. Les enfants veulent grandir très très vite aujourd'hui. Ils sont bien cons. Oui, ces enfants. Le jeu vidéo est une des réponses, mais pas que. Mais leurs jouets sont moins jouables aujourd'hui, comme je vous le disais, avec les blind bags par exemple. Il y a moins de jouabilité dans une poupée LOL de 6 cm que dans une Barbie qui en fait 30. Et à côté de ça, aujourd'hui, tu peux acheter que de la licence exploitée sur un modèle. C'est-à-dire que tu peux, si tu veux trouver des jouets. Tu vas avoir des Lego Harry Potter, des Playmobil Harry Potter, des jeux de construction Harry Potter, des Lego Star Wars, des Playmo Star Wars, des machins. Tu te retrouves avec des gammes de jouets qui vont adapter des formats et des marques, mais pas de création originale comme on a pu avoir quand on était petit, quoi, sans faire de nostalgie à la con. Mais alors il y en a quand même, tu vois. Lego avait lancé une gamme très très cool l'année dernière, ou il y a 2 ans, qui s'appelait Hidden Castle, je crois, à base de chasseurs de fantômes, très inspiré un peu de Walking Dead, et avec en plus un système d'application où tu pouvais, grâce à un système de réalité augmentée, voir des fantômes qui apparaissaient dans tes sets. Ça, c'est vraiment du 100% Lego. Ils l'ont, tu vois, c'est leur univers, même si c'est très inspiré de différentes licences, même de Scooby-Doo au final. Mais il y a toujours une création. Le truc, c'est qu'il y a vraiment trop de choses. Chaque fabricant, même par exemple Leclerc, va tenter d'avoir ses propres exclus. Donc au final, c'est tellement éclaté que on les voit plus. Et nous, on voit essentiellement ce qui nous intéresse. Donc à côté d'un Cosmocats, bah on verra pas qu'il y a 60 Peppa Pig. J'aime bien les Cosmocats. Et pourtant, c'est un truc de vieux. Non, mais je le suis. Hein, moi, j'ai assumé. Hein, si tu veux, je suis en train de prendre rendez-vous pour ma coloscopie, donc il a fallu que je m'y fasse. C'est quoi les jouets de quand vous aviez les jouets chouchous quand vous aviez 9-10 ans, Val? C'est quoi tes grosses marques de jouets? Eh ben, j'ai un peu oublié cette période-là, je trouve ça assez triste. Moi, je sais que je me rappelle quand j'étais plus petit, c'est plus quand j'avais 4-5 ans, je jouais pas mal avec des petites voitures et ce genre de trucs-là. J'avais notamment réussi à trouver une voiture qui ressemblait beaucoup à K2000, j'étais un grand fan de K2000 à l'époque. Bon, alors elle était pas noire, elle était verte avec des flammes rouges et jaunes dessus, enfin voilà, mais elle ressemblait un peu à K2000 et du coup j'avais un tapis, le tapis plein d'acariens là qu'on a tous eu chez nous un jour. Je m'amusais à la faire rouler là-dessus. J'ai joué pas mal au Lego aussi, notamment Lego Star Wars. J'en ai eu quelques-uns. Et puis sinon, écoutez, je ne sais pas trop. Hein, après, ouais, c'est ça. Je suis un peu passé aux jeux vidéo, donc les jouets après en eux-mêmes, j'ai pas grand souvenir, hein, malheureusement. Chris, tu vas nous parler de Musclor? Non, parce qu'en fait, je suis un peu trop jeune pour Musclor. En vrai, j'adore les maîtres de l'univers, mais par rapport à la gamme de jouets, j'étais déjà un peu trop jeune pour avoir connu les jouets. Tu vois, je suis arrivé un peu sur la fin de tout ça. Non, clairement, les jouets de mon enfance, c'est les Power Rangers. Il y a aucune hésitation. C'est le truc auquel j'ai le plus joué gamin. Je sais pas combien d'heures j'ai passé à jouer avec des Power Rangers, mais franchement, c'est complètement aujourd'hui, s'il fallait que je remette ça en termes de temps, je suis sûr que c'est à peu près autant de. Bah, par exemple, tout le temps que je passais à jouer aux Power Rangers quand j'étais gosse, aujourd'hui, c'est le temps que je passe sur Comics Rise. Tu vois, je pense que c'est à peu près équivalent. Non, mais en vrai, c'est tout à fait ça, quoi. C'est complètement ouf, mais je pense que je jouais. Enfin, je rentrais de l'école, je faisais mes leçons et après je jouais aux Power Rangers pendant, je sais pas, 2 heures. Peut-être. Enfin, effectivement, à l'époque, quand j'étais, je sais pas, entre mes 6 ans et mes 8-9 ans, tu vois. Je jouais un peu à la console déjà et tout, mais je pense que des fois je regardais pas la télé, je faisais rien, je jouais aux Power Rangers et je pouvais faire ça pendant des heures et des heures. Et alors, qu'est-ce que tu faisais avec ces figurines? Est-ce que tu recréais les histoires que tu avais vues à la télé ou est-ce que tu inventais des choses nouvelles? Un peu les deux. Comment créait le petit Chris de l'époque? C'est ça qu'on veut savoir. Un petit peu les deux. J'ai pas la mémoire vraiment en détail du truc. Répondez, Chris, répondez. On veut savoir les chiffres, combien de temps, à quoi on joue, tout. J'ai toujours eu une imagination assez fertile et oui, effectivement, j'inventais pas mal de trucs, je pense. Alors tu avais les versions Mighty Morphin dont la tête peut se retourner, ou est-ce que tu avais les versions en métal de luxe avec lesquelles on pouvait assommer sa petite sœur? J'avais celle où la tête tournait, ouais, tout à fait. Ah, et le Megazord, t'avais le Megazord? Ouais, non mais oui, tout ça est encore chez ma maman et je pense qu'ils sont plutôt bien conservés et je suis sûr qu'il y a des mecs qui spéculeraient de ouf dessus. Mais et après tout l'aspect, j'ai toujours une fixation sur l'aspect un peu méca, tu vois, les robots, tout ça, du Super Sentai, mais je suis un gros fan de tout ça. Et tout l'aspect pratique et technique en plus me fascine parce que dans la série, la transformation était pensée pour que le jouet puisse suivre cette véritable transformation et je trouve que ça c'est un vrai effort de création aussi de la part des créateurs de la série et des créateurs du jouet. pour que tout ça fonctionne pareil et pour que tu puisses recréer la scène de transformation à l'identique en fait, de telle que tu l'as vue à la télé, alors que c'est pas toujours le cas. Enfin, il y a plein de jouets qui sont en application impossible à qui peuvent pas reproduire ce que t'as vu dans une série ou dans un film. Vas-y, qui vas-y. Bah, je sais pas. Moule-toi par exemple, un peu. Le vaisseau de Star Wars, bah genre les réacteurs, ils lancent pas vraiment du feu, tu vois. Alors si que moi là, j'avais customisé le mien et du coup j'ai brûlé ma maison. De l'essence à briquet. Ton Megazord, il lançait vraiment des lasers peut-être. Alors non, mais enfin il se transforme. Ouais, écoute, putain, je peux vraiment. Tu vois, je suis tout à fait d'accord. Je pars, avec toi, je Matt. Quitte cette émission. Je quitte cette mais émission. Reste. Je jouerai du pipeau comme le Ranger vert. Ah, si tu souffles dans mon pipeau, je reste. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut pas faire. Ben c'est moi, quoi, toi, vraiment, les jouets quand t'étais petit? Et ben, celle dont je garde un gros souvenir, c'est des Playmobil. Quand j'étais petit, quand j'avais genre entre 5 et 7 ans, tu vois, j'étais vraiment Playmobil cowboy, mais à fond. J'avais un fort que mon père m'avait fait en bois dans lequel je mettais mes petits soldats de l'Union, tu vois, qui devaient se battre, quoi, parce que c'était la guerre de sécession. Moi, j'étais vénère. Il y avait des canons, il y avait. Et j'avais un cowboy qui était moi, en fait, qui était un barbu qui s'appelait Aldo. Que j'avais appelé Aldo, qui avait un chapeau blanc, qui avait un cheval qui s'appelait Jolly Jumper. C'était un prénom d'usage à l'époque, hein. C'est Aldo, bah, c'était pas ringard à l'époque. Je sais pas si c'est ouais, peut-être un amour des films de cow-boy italien de mon père qui est ressorti ou un truc dans le genre. Et un peu plus tard, c'est la gamme Batman de Kenner en 93. Ça m'est revenu après, mais j'en ai eu des Batman quand j'étais petit aussi. Je et me revois dans des rayons de supermarché en train de baver devant les blisters. Oui. Et je peux vous dire que le jour où j'ai pu récupérer une collecte quasi complète, aujourd'hui je peux le dire, j'ai quasiment tout ce dont je rêvais quand j'étais enfant au niveau Batman, j'ai la Batcave c'est juste trop cool en fait. À chaque fois quand je les regarde, et puis j'ai quelques blisters aussi, je me dis voilà, j'ai fini par les avoir. Celui qui me faisait alors j'avais une conception du jouet un peu bizarre quand j'étais petit, il fallait que j'aie un jouet un peu un bon rapport qualité prix, donc j'essayais toujours de prendre le jouet le plus lourd. Oui, là où il y avait le plus de plastique. Et genre, mais j'étudiais les gammes, tu vois, pour voir. Ouais, mais là, il y a tous les accessoires, donc, tu vois, je veux pas me faire avoir avec juste un Ewok, tu vois. Ah putain, t'as pris dans une figurine Star Wars, t'as un Ewok qui fait 4 cm, t'as une lance, mais c'est nul. Moi, je voulais le Batman, tu vois, qui a tous les accessoires, qui est le lourd. Et du coup, je rêvais de Man-Bat. Bah oui. Ah. L'énorme chauve-souris qui a des grosses ailes et tout, mais vraiment je me revois en train de sous-peser les blisters dans le rayon du Super U de la Chapelle sur Erdre pour les connaisseurs. et je me revois avoir croisé un de mes instits, tu sais, qui me fait mais qu'est-ce que tu fais Romain? Et je devais être en train de sous-peser deux blisters en mode vas-y, lequel je prends. c'est un truc qui est resté, c'est un souvenir, un bon souvenir de mon enfance. T'es de la Chapelle sur Erdre. Il paraît qu'on m'aurait vu là-bas. Bah, je suis de Couéron. Mais je sais, toi aussi. Mais c'est quoi, ce bordel? Mais écoute, on peut pas tout dire comme ça à l'antenne, mais il y a des chances pour que tu sois en fait ma sœur cachée. Après, on en reparle après. C'est une sorte de filler qu'on développera au fil des épisodes. Alors oui, ça m'intéresse qu'on en parle après, quand j'aurais pu vous dire que moi, j'étais fan des Marshall Bravetars. Alors j'ai eu plein de Playmobil Cowboy et tout, et c'est les années 80, et au passage aux années 90, on s'est tourné un peu plus vers les trucs de bagarre, un peu dans l'espace et tout. J'ai eu des Extra Animals, qui était le recyclage de ouf. L'Extra Animals, c'était des voitures majorettes, comme celle avec laquelle Valentin jouait, sur lequel il y avait des têtes d'animaux et des grosses roues de Hummer. Du coup, ils étaient censés vivre leur vie, tout ça. T'es vraiment le fan des licences dont personne ne voulait, quoi. Je veux dire, entre les Dino Riders et Brave Star, alors là, vraiment. Marshall Brave Star, c'était super. C'était une sorte de Far West dans l'espace avec des extraterrestres. Et les figurines étaient, pour le coup, en termes de rapport qualité-prix, c'était bien épaisse, bien solide et tout. Et tous les personnages avaient, un pouvoir, guillemets avec les doigts, et l'idée c'était qu'ils avaient tous un bouton qui faisait quelque chose. Par exemple, il y en avait un qui était censé être un clitoris. Un barman. Je couperai ça. Et du coup, il y en avait un qui était censé être un barman, et quand t'appuyais sur le bouton, son bras se dépliait, il lançait son plateau, et ça devenait une sorte de frisbee. Et il s'appelle Moustachu. Ça voilà. Ouais, c'est Moustachu le barman. Ça m'a toujours fait rire. Il a une tête verte en plus. C'est ça. C'est pas un jouet très crédible. Mais après, le Brave Star, c'est 87, donc c'est un peu tôt pour moi. J'ai eu la chance d'avoir un cousin qui avait toujours plein de jouets. tu vois, qui habitait pas loin d'un supermarché et qui devait hurler jusqu'à ce que on lui ramène un jouet à chaque retour de course. Et du coup, qui avait du Brastar à gogo, j'en ai des bons souvenirs. Je me souviens du Forcarium, un espèce de playset géant avec une prison géante, parce que les figurines font 21 cm. Et du coup, tout était à l'échelle, c'était vraiment une grosse gamme. Et quand tu avais des figurines qui étaient plus petites, puisqu'il y avait deux nains dans parmi ces personnages-là, ils étaient livrés qu'une bagnole. Comme ça, t'en avais quand même pour ton argent, quoi. C'est, Et le cheval, il pouvait se lever, il avait un gun. Ouais, le cheval s'appelait 30-30, il était en métal. Enfin, en plastique métallisé, en plastique, hein. Oui. Mais il était quand même argenté, tu vois, un cheval robot, faut quand même le rappeler. On n'avait rien fait de mieux depuis R2-D2. C'était trop bien, c'était trop bien. Et par contre, le dessin animé te donnait pas du tout envie, c'était pas possible, quoi. C'est du Filmation, c'est le même studio qui a fait le dessin animé Musclor. Ah bon, bah c'était bien alors. Désolé Chris, excuse-moi, je savais. Non mais Musclor, c'est mal animé, hein, c'est moche. Mais et du coup, tu parles de ces jouets un peu énormes et de ces playsets et tout. Et les années 80, c'est quand même aussi l'époque des jouets larger than life, tu vois. Enfin genre le porte-avions des G.I. Joe. Ouais. Voilà, c'est des trucs, c'est des jouets qui font 2 mètres. Enfin tu vois, même limite dans ta chambre, tu peux pas le mettre, le jouet. Il y avait des tas de figurines géantes, etc. C'est un truc aussi, enfin je trouve, qui a un peu disparu. Alors j'en ai encore vu récemment des Tortues Ninja assez grandes, etc. Il y a encore quelques licences comme ça où ils développent des jouets vraiment assez grands. C'est pareil, il y a pas mal de personnages Marvel. Bon, c'est pas des très belles figurines parce qu'elles sont pas trop articulées et tout, mais t'as quelques figurines comme ça en XXL, on va dire. Mais ce côté un peu playset, un peu univers gigantesque et figurine plus grande que le gosse, tu vois, qui va jouer avec, j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu aussi. On est plus dans le jouet, bah tu vois, comme les fameuses poupées LOL là que j'ai découvertes aussi ce soir, les jouets un peu de poche, quoi, les trucs un peu, les pop, etc., les trucs plutôt petit format à collectionner, plutôt que dans le jouet hyper massif qui va occuper la moitié de ta chambre. Moi j'avais le Batplane, moi je peux te dire que oui. J'étais. Il est, plus, il est plus juste fin à côté de lui. Moi si tu veux. Je te le montrerai Valentin après l'émission. Bah toi t'as un ballon dirigeable des Tortues Ninja pareil qui est énorme. Oui, mais en fait c'est ce que j'appelle des jouets pour enfants de divorcés. Dans les catalogues, c'était les jouets à 500 francs, tu vois, qui étaient toujours trop chers pour. Tu parlais du Tyrannosaure tout à l'heure de Dino Rider, c'est exactement ce genre de jouet. Et effectivement, il y a beaucoup moins de concurrence, puisqu'il y a beaucoup moins de fabricants. On est passé de 12 fabricants à 4. Mattel et Hasbro ont avalé quasiment tous leurs concurrents. Bandai a fait à peu près le même au Japon. Et en France, tous les fabricants de jouets, même Smoby, a été avalé par des Allemands. Donc aujourd'hui, vu qu'il y a peu de concurrence, les très gros trucs vont être pour les collectionneurs. Et les grandes marques font des crowdfunding. Notamment Hasbro qui a proposé la barge de Jabba qui fait quasiment 2 mètres pour 500$. Il y a quelques années, Mattel avait sorti un château des ombres au 1/12, donc le château de Musclor, pareil pour 300$. Aujourd'hui, là, c'est Super Seven qui sort la montagne maléfique de Musclor pour 1000$. Il y a un marché, mais c'est un marché extrêmement restreint. Et malheureusement, les Chinois ne travaillent plus pour rien, en fait. Dans les années 80, ça ne coûtait strictement rien. Le plastique coûte de plus en plus cher, les matières premières coûtent de plus en plus cher. Et en plus, on est. Pourquoi se faire chier à faire des trucs géants quand on peut vendre des poupées LOL de 6 cm à 15 balles? Les maisons Barbie se vendent plus. Je pense aussi qu'il y a quelque chose de sociétal au sens où nos intérieurs sont plus petits que dans les années 80. Dans les années 80, on a encore Sourigan, tu vois, on est dans la maison des Simpsons. Aujourd'hui, les gens vivent plus facilement en appartement. C'est le syndrome de la Xbox qui se vendait pas au Japon parce qu'elle était trop grosse pour les appartements japonais, quoi. C'est une blague ou... Non, c'est la vérité. En fait, petite anecdote jeu vidéo. Si on revient à l'époque de la sortie de la Xbox, les concurrentes, c'est le GameCube, d'ailleurs, chez Nintendo, et la PS2. Deux consoles, donc le GameCube, même une toute petite console. Et la Xbox, la première Xbox, ouais. Si vous vous souvenez, mais elle est très très massive, c'est vraiment genre un magnétoscope, quoi. Enfin, ouais. En termes d'échelle, c'est un magnétoscope. Et donc au Japon, vraiment, ça se vendait moins bien parce que c'était fat, quoi, et ça prenait de la place. Et les appartements japonais, c'est généralement c'est assez petit. Ouais. Voilà. Et du coup, les Japonais n'aimaient pas cette console parce que la manette aussi était assez fat et donc c'était pas forcément hyper ergonomique et tout. Et la Xbox s'est mal vendue au Japon à cause de sa taille. Voilà, c'est ouf, simplement. La Xbox, le problème, c'est que le stick et la croix, ils sont inversés, ils sont pas au bon endroit. Ils ont inversé les deux. Non, on peut pas jouer. C'est bien mieux. Bon, de toute façon, d'ailleurs, la manette de la GameCube reste la meilleure manette de jeux vidéo de tous les temps. On est d'accord. Fin du débat. C'est merci. Ça. Tout à fait. Du coup, vous avez encore des jouets ou ils ont tous disparu? Comment ils ont disparu, vos vieux jouets? Moi, alors, il me semble que j'aurais dû aller dans ma cave avant de commencer cette émission. J'ai ramené, la dernière fois que je suis allé chez mes parents, une caisse avec plein de vieilleries à moi dedans. Et il me semble que cette fameuse petite voiture K2000 que j'avais, je crois que je l'ai retrouvée et qu'elle est dans cette caisse-là. Et il faut absolument que j'y aille. Tu l'encadres. Ouais, mais oui. On va les poster sur le Twitter de l'Estaminerd. Complètement. Et les autres, tous les Batman, par exemple, que j'avais, c'est terrible, je sais pas où ils sont. Et qu'est-ce que je les aimais bien ceux-là. Donc je ne sais pas trop. Les Lego sont restés chez mes parents globalement. J'ai plus aucun Lego chez moi. Ouais, j'ai un peu laissé tout ça derrière t'y moi. Tu as encore accès en fait. S'ils sont chez tes parents, tu as encore accès techniquement. Ouais, mais c'est vraiment éparpillé, soit dans la chambre de mes frangins, soit des trucs qui sont au grenier, soit franchement c'est un peu le bordel. Il y a eu des déménagements depuis, tu vois, donc ça c'est des trucs que j'avais quand j'étais sur Paris. Après il y a eu des déménagements quand je suis arrivé en Bretagne, donc du coup c'est un peu éparpillé à droite à gauche, quoi. Donc je ne sais pas trop, malheureusement. C'est vrai que c'est un peu triste, cette page de ma vie tournée que je ne peux plus revoir maintenant. Ah là là. Bah écoute-moi, à l'image de nos fabricants, ils ont été volés par les Allemands lors de l'occupation. Pas du tout. Non, il en reste beaucoup chez ma maman. Je pense qu'il y a un gros stock encore. Mais après, j'en ai ramené quelques-uns. J'aimerais bien faire quelques vitrines à la maison, mais je manque de place parce que j'ai déjà des bouquins partout. Et là, j'ai fait des travaux l'autre jour et vous avez été témoin de ma souffrance quand il faut déplacer des bibliothèques. Puisque moi, en fait, chaque pièce chez moi est une sorte de bibliothèque. C'est-à-dire que la chambre est une bibliothèque, le salon est une bibliothèque, la bibliothèque est une bibliothèque. Donc, du coup, j'ai déjà beaucoup de merdier, quoi. Mais après, ouais, j'adorerais récupérer 2-3 vieux trucs pour faire une belle étagère, tu vois. Notamment les Power Rangers, par exemple, tu vois. Je trouve ça assez cool et je trouve que ça vieillit bien, même s'il y a toujours des gens qui te diront, oh, t'es has-been, ou genre, t'es attardé, t'as des robots dans une vitrine. Mais je trouve que c'est des trucs qui vieillissent bien visuellement, quoi, et qui gardent un certain charme au-delà de l'aspect nostalgique. D'ailleurs, c'est des trucs qui sont, comme je le disais, bien pensés et tout. Avant, ils étaient jetés en vrac dans un pauvre coffre à jouets. Aujourd'hui, il faut que tu les emballes et tu les mettes dans une vitrine, quoi. Tu t'es embourgeoisé. Bon, toi, Romain, tes vieux jouets, ils sont sur tes étagères chez toi. Exactement, ils ont été rejoints par quelques milliers de copains. Moi, je suis le plus vieux de ma... Enfin, je suis un des plus âgés de ma famille. C'est-à-dire que mes jouets, du coup, ont été après transmis... Après tes parents, sûrement. Avant ses parents. C'est ça qui est fort. Où j'ai beaucoup de petits cousins. Donc, du coup, soit ils venaient jouer à la maison. Donc, ils sont partis avec pas mal de trucs, quand même. Mais mes parents les avaient amoureusement rangés dans un coin de carton dans le grenier. J'ai pu en récupérer une bonne partie. Et je suis content de me dire qu'un peu à la manière d'un Toy Story, tu vois, même 25 ans plus tard, certains sont toujours là, accompagnés de tout le reste de leur collection. Puisque j'ai pu me faire des sets complets, donc c'est cool. Tu vois, mon vieux Bucky O'Hare d'enfance, pour ceux qui ne connaissent pas, Bucky O'Hare, c'est un lapin vert... Net Comics d'excellente qualité, il a été rejoint par tout le reste de la gamme avec le vaisseau spatial derrière et puis les Lolo, oui voilà, très bonne qualité Bucky, même si très bonne l'auteur, Michael Golden n'est pas très sympathique. J'ai un peu travaillé comme ça ma collection, c'est beaucoup de jouets que j'avais à l'époque qui ont été rejoints par des accessoires, des véhicules, mon vieux Alan Grant de Jurassic Park est accompagné de la Jeep aujourd'hui et de toute une tripotée de dinosaures que je n'avais pas été enfant. Donc j'aime l'idée que je continue ce que j'ai commencé étant petit. Pourquoi tu dis que Michael Golden, le dessinateur de la BD Bucky O'Hare, n'est pas très sympathique? Il poste lui aussi des choses politiquement discutables sur Twitter? J'ai eu un ami proche a eu fort à partir avec lui à propos d'une signature sur un blister. Ah, c'était une aventure rigolote. Je la raconterai peut-être dans le tome 5 de mes mémoires. Voilà, pour ça, faut payer. Donc soutenez-le sur Ulule et vous aurez l'anecdote. Et du coup, je rebondis juste sur un truc que Romain disait. Il disait justement, il continue en achetant des jouets aujourd'hui, ce qu'il a commencé enfant. Et en fait, c'est peut-être là le vrai truc, c'est pourquoi il faudrait arrêter de jouer ou d'acheter des jouets. Pourquoi on décide alors maintenant, aujourd'hui, ça a pas mal changé, mais c'est vrai que nous, on a été élevés un peu comme ça, en mode, à un certain âge, c'est bon, on arrête de jouer, on arrête d'acheter des jouets, quoi. C'est on passe ça à des trucs de grand. Je voulais pas grandir, moi, c'était pour ça. Mais tu sais qu'il a fallu que Télérama fasse un article sur mon travail. Pour que enfin mes parents se comment disent tu l'as que placé c'est pas juste une lubie. Alors, en plus, je suis fils d'instituteur, donc tu vois, c'est le seul truc ouais, qui pouvait les... lisait Télérama, ouais. Ouais, voilà, il y a que ça qui pouvait... qui pouvait les toucher, et mine de rien, j'aime aussi, dans mon travail, essayer de bosser là-dessus, de se dire que je réponds à des polémiques parfois qui ont 25 ans et auxquelles mes parents étaient confrontés, et ça permet de continuer d'en discuter. Ma petite vidéo sur l'affaire Ségolène Royal a été un bon démarrage pour avoir des discussions sur ma passion avec eux, puisque très souvent, les parents sont les premiers acheteurs de jouets, en fait. Je pense que vous seriez surpris d'ailleurs. Alors c'est pour tous les auditeurs et également vous, messieurs. Je vous mets au défi de demander à des gens qui vous ont connu enfant, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, vos parents, s'ils ont souvenir d'un jouet qu'ils vous ont offert. Et vous serez toujours surpris que y a toujours un jouet que nos proches nous ont offert avec soit un peu de dépit parce qu'ils trouvent ça complètement con, mais c'est resté dans leur mémoire, soit un côté transmission. Et c'est hyper important, je trouve. Une partie de ma collection, c'est aussi un hommage à ma famille et à la manière dont ils ont eu envie de m'élever, quoi. Je pense que si tes parents sont pompiers, t'auras un camion de pompiers. Si ton père est agriculteur, t'auras un tracteur. Et puis si ton père est un mutant, t'auras des tortues ninja. Moi j'ai continué aussi ce truc là, il y avait un vrai côté revanche sur la vie quand j'ai commencé en étant un peu plus grand, vers 16-17 ans, à bosser un peu, à gagner un peu d'argent et tout. Et je me souviens que dans les premiers trucs que j'ai fait avec mes premières payes, je faisais les vide-greniers et j'allais racheter les toys que j'avais pas pu avoir quand j'étais petit. Alors j'avais plus du tout envie de jouer avec, tu vois, genre mes premiers musclors, je les ai achetés comme ça, j'étais trop grand pour jouer avec, ça m'éclatait pas, mais puisque j'avais pas pu les avoir, je c'était un vrai kiff de pouvoir les acheter à ce moment-là, quoi. Je me sens que j'avais acheté une sorte de grosse araignée véhicule de musclors qui marchait. Mégalore. Et ouais, que j'avais ramené dans un sac plastoc après un vide-grenier, quoi. C'était vraiment trop cool, quoi. J'aimerais bien avoir une super anecdote comme ça, mais moi, avec ma première paye, j'ai acheté des meubles. Voilà, donc c'est beaucoup moins intéressant. Ouais, c'est avec, triste. Avec ma première paye, j'ai acheté une BD qui est toujours pas finie, une série de BD qui est toujours pas finie, que j'ai, et puis des vieux jouets que j'avais pas pu avoir quand j'étais petit. C'était cool, hein. Et sinon, moi, mes jouets ont été dispersés. En fait, j'habitais dans un appart qui était trop petit pour tout stocker, et donc dans la maison de mes grands-parents, comme il y avait plein de greniers, nous, on laissait les jouets là-bas, quoi. Et en fait. En vidant cette maison quand ils ont voulu déménager, on s'est rendu compte que il manquait plein de trucs, tu vois, à se dire bon bah ces jouets là ah bah ouais tiens je les ai pas cherchés depuis des années, en fait ils sont où, et on n'a pas pu les retrouver, et il s'est avéré que visiblement encore un coup des Allemands. Alors je ne sais pas si ma grand-mère était allemande, je lui demanderai, mais en tout cas visiblement elle avait la fâcheuse tendance de donner ces trucs là tiens bah, je donne ça par ci, je donne ça par là, et j'avais des gros trucs pour lesquels bon la plupart c'est des jouets, on s'en fout, mais il y avait des trucs pour lesquels je peux avoir un peu de regret. Il y avait un gros set Lego avec un camion américain qui était tout à fait mortel et que je conservais déjà à l'époque, je le conservais dans sa boîte, je le démontais, je le rangeais bien dans les petits sachets et tout, j'avais déjà compris que ce truc là était un truc un peu collector, et du coup ce fameux jouet d'enfant de divorcé dont tu parlais, Romain, et ouais j'étais un peu dégoûté que ça disparaisse. Moi du coup ce qui me reste c'est mon set à peu près complet de Dino Rider. Je viens de retomber sur des photos, je suis content de voir que j'ai retrouvé là sur Google Images le packaging, la photo du premier packaging du premier Dino Rider que j'ai eu, alors je suis content, et en scrollant un peu sur le blog du mec je vois que la queue de son Dinonychus, elle est cassée au même endroit que la mienne et tout, donc je suis, tu vois, on est un peu, il y a un côté transmission, quoi. Et du coup, ces jouets-là, Romain, je peux les prêter à mon gamin, il peut jouer avec, ça va être cool, non ? Alors, un petit périfice avec. Si, c'est une idée louable, partager, c'est beau, surtout quand on est collectionneur, tu vois, proposer des jouets à un enfant, souvent on attend qu'il ait 4-5 ans, mais c'est pas une bonne idée, et c'est pour ça qu'il y a autant de rééditions aujourd'hui, en fait. C'est que malheureusement, le plastique des années 80 avec lequel on a grandi, il est en train de mourir. Alors, il meurt lentement, mais en mourant, il relâche des particules pas très très cool, notamment des métaux lourds. Il y a eu plusieurs études qui ont été publiées depuis 2015 qui parlent de jusqu'à 18 métaux lourds différents. On parle également de trucs radioactifs. Alors pas dans des quantités folles dans le plastique, mais en vieillissant, ça se cristallise et on trouve par exemple du plomb, mais en masse, dans certains jouets, notamment dans les peintures. Alors je vais rassurer une partie de l'auditoire, c'est essentiellement les jouets pour filles et les jouets première enfance. Donc, par exemple, les petites bonnettes. Les trucs qu'on mordit, quoi, les trucs qu'on met à la bouffe. Voilà, tout ça, exactement. Les Barbies, les vieilles Barbies sont connues pour contenir pas mal de métaux lourds. Alors, je vous parle de plomb, hein, mais il y a également du cadmium, il y a du bore, enfin, des trucs vraiment pas cool. Mais il y a également donc, les jouets première enfance, notamment beaucoup de jouets Fisher-Price. Les vieux Little People, je ne sais pas si vous vous souvenez des Little People, hein, des petits personnages pour les moins de 3 ans. Qui sont en fait des plots avec une tête, qu'on mettait notamment dans l'arbre magique, le célèbre arbre magique, commercialisé depuis 79 et toujours en vente aujourd'hui. Malheureusement, ces jouets-là vieillissent très très très mal, et ce sont souvent des jouets qu'on met dans le bain. Et ça, alors, c'est la fin du monde. On a eu un cas dans le nord de la France, il y a quelques semaines, de petit garçon qui a eu les yeux brûlés. Par de l'eau projetée d'un petit pchipchit qui datait des années 90 et dans lequel il y avait très probablement des métaux lourds mais également beaucoup de champignons et le gamin a failli perdre ses yeux. Donc faites attention aux jouets, les vieux jouets sont faits pour les vieux enfants. Les enfants d'aujourd'hui doivent avoir des jouets neufs et si vous souhaitez transmettre des jouets, faites attention aux jouets qui suppurent, les jouets peuvent devenir huileux. Dès que vous voyez un peu de jaunissement ou que le jouet devient cassant, en fait il faut en changer. Par pitié, n'échangez pas entre les enfants les jouets en caoutchouc type girafe Sophie. qui sont des nids à bactéries, un truc de ouf, et qu'on peut pas nettoyer puisque ce sont des jouets en caoutchouc creux, il faudrait les passer à l'étuve, sauf que personne ne fait quoi, passer des jouets à l'étuve une fois par semaine, c'est juste pas possible. Donc faites attention, renseignez-vous sur le site de la DGCCRF. Ah bon, c'est vrai ? Qui communique régulièrement sur des jouets à ramener, puisqu'il y a beaucoup de jouets aussi qui sont pas aux normes. Pour vous donner une idée, des jouets, ils ont détruit 400 000 peluches vendues sur Amazon, qui étaient pas aux normes en termes de solidité, là, il y a quelques jours à Metz. C'est le jouet est dangereux, en fait. Tout ce qu'on peut donner aux enfants, faut le vérifier, faut le surveiller, et c'est pas parce qu'on a un affect avec un vieux jouet ou avec un vieux personnage qu'il faut tout de suite foncer. Mieux vaut jeter un coup d'œil à l'état général et puis se dire tiens, ce serait peut-être pas mieux sur une étagère. Ma petite sœur qui a une petite fille d'un an et demi a mis des vieux jouets en hauteur, en décoration, et ma nièce a tout le loisir de jouer avec tout le reste de ce qu'il y a dans sa chambre. Mais ceux-là sont là pour faire joli. Tous ces métaux lourds qui sont relâchés, c'est dangereux aussi pour les adultes finalement. Disons que nous, on n'a pas tendance à sucer nos jouets. Mais, Moi aussi. Mais c'est le souci. À partir du moment où on va avoir ce que les fabricants appellent un usage non prévu du jouet, donc mettre ton jouet dans différents orifices, le mouiller, ce genre de choses. Les fabricants disent tant pis quoi. Normalement, même les médecins, j'ai eu des discussions avec des médecins sur le sujet, qui m'ont dit, ça reste rare, mais l'ingestion d'une tête de poupée qui est recouverte de peinture au plomb, ça peut avoir des répercussions importantes. Le saturnisme, ça peut amener du nanisme, des retards mentaux, et je pense que certains commentaires sur Internet sont clairement liés à des vieux enfants touchés par des jouets toxiques à l'époque. Hein. Ça expliquerait une partie de Twitter actuellement. Ça, c'est une hypothèse perso. Eh bien, il faudrait creuser. On va lancer un sondage sur les gens qui... Est-ce que vous suciez vos jouets étant enfant, voilà, ouais. C'est ça. Et pour qui voterez-vous en 2022 ? Et tu fais une corrélation. Tu sais que, c'était quoi cette... Ils ont fait une corrélation comme ça, ou avec des chiffres qui veulent rien dire, où ils font croiser deux courbes, la courbe des gens qui mangent de la margarine et la courbe des gens qui divorcent. Et t'arrives à la conclusion que plus tu manges de margarine, plus tu divorces. Donc tu peux faire des courbes comme ça. On doit pouvoir faire des sondages. Oh, ça s'explique, hein. Ta femme t'oblige à maigrir, te dit échange le beurre salé contre de la margarine. Au bout d'un moment, tu choisis le beurre salé. Ah attends, si quelqu'un m'enlève mon beurre salé et me fout de la margarine, c'est sûr que c'est un motif de divorce. Allez, ça y est, consortium de Bretons, allez, c'est parti. On n'est pas Bretons, on est Nantais, qu'est-ce qu'il te faut ? Oui, Nantes, c'est la Bretagne, monsieur, c'est pareil, vous mangez du beurre salé, on vous connaît. Hein. Alors les... Ça commence par le beurre salé, puis ça finit par reprendre le Mont-Saint-Michel. Hein. Reprendre ! C'est un Normand qui a dit reprendre le Mont-Saint-Michel. Voilà. Donc on est bien d'accord que pour l'instant, c'est nous. En fait, il est à nous. Bien sûr, on est d'accord. Personnellement, je suis en train de prévoir une flotte de 50 bateaux Playmobil pour récupérer le Mont-Saint-Michel avec son porte-avions G.I. Joe. Exactement. On va t'attaquer avec de lance-missiles qui ont une portée de 35 cm. Ouais, mais ça peut crever un œil, c'est hyper dangereux. On peut te... Eh non, mais par contre, on peut te lancer des vieux jouets pour empoisonner ton bain. Ah, c'est pas bête. Bon, t'as la hague déjà pour ça en Normandie, non? Oui, bah nous, on est servis. Hein, le jour où il y a des cailloux, on sait où est-ce qu'ils sortent. Hein. Dans le port du Havre, hein. Ils arrivent comme ça, c'est dans coincé. Une nappe de pétrole. Ils vont rester coincés entre dans la Manche, c'est trop étroit pour foutre des cailloux entre l'Angleterre et la France et tout. Enfin, c'est compliqué, quoi. Puis en plus, ils sont, c'est la limite. Ça aurait été encore la zone euro. Ils auraient pu circuler librement, mais avec le Brexit, ils sont où, tu vois? Enfin, si c'est comment ils vont faire, c'est une galère. Je te raconte pas les frais de douane. Hein. Justement, et est-ce que on va avoir un Brexit dur ou est-ce que on va pouvoir continuer à commander en Angleterre? Je ne sais pas pour vous, mais je suis un gros consommateur de produits venus d'Angleterre, que ce soit des comics ou des figurines, et ça va faire mal, hein, ce Brexit. Alors là, tu vois, c'est un sujet trop sérieux pour cette émission. Ah mon Dieu, c'est ce que j'allais dire. Les sujets sérieux, au 1er janvier, vous risquez de payer 30% de plus pour tout ce que vous achetez en Angleterre. Et qu'est-ce que tu achètes en Angleterre? Des figurines qu'on peut trouver à moins cher en Angleterre, ou pas mal de comics. Beaucoup d'exclus sont trouvables facilement en Angleterre. Je peux donner quelques noms de sites, si vous voulez. Uniquement si t'as des liens affiliés, hein, tu connais la maison. Ah bah, je ne travaille pas avec les perfides fils d'Albion, mais si vous voulez du Star Wars, il y a Star Action Figure qui est plutôt très cool, et sinon il y a Capo Toys pour tout ce qui est comics et figurines issues de comics. Mais c'est dommage de devoir dire adieu à ces vendeurs-là, parce que voilà, le Brexit, ça veut pas que dire des gros Anglais avec des cravates rouges qui crient à la télévision, ça va avoir une répercussion réelle sur notre vie de tous les jours. Voilà, j'ai cassé l'ambiance. Non, c'est un sujet sur lequel je me sens totalement à l'aise. En tant que collectionneur et du coup acheteur compulsif, je sais que ça va me faire mal. Voilà, je voulais témoigner. Moi, j'ai changé de boulot, étant donné que ma paye, j'ai plus de problème d'achat compulsif parce qu'en fait, je peux plus. Du coup, moi, ça m'a assez bien libéré. Donc, le Brexit, pour l'instant, ça me... Wouhou, voilà. Mais toi, t'as beaucoup d'argent, et d'ailleurs, ça tombe bien, transition, c'était ce dont on voulait parler, puisque ta brillante carrière, on peut parler un peu de ton évolution. Archaeotoy, c'est une chaîne YouTube qui existe depuis de nombreuses années, puisque quand on s'est... 4 ans des brouettes, ouais, quelque chose comme ça. Moi, j'ai découvert ton travail parce que tu faisais déjà t'avais déjà fait des vidéos sur les figurines Batman. Et peut-être même sur les Tortues Ninja, et c'est des contenus que j'avais souhaité partager sur le site, et c'est comme ça qu'en fait qu'on s'est rencontrés. Du coup, ouais, c'est une vieille chaîne. Mais je sais pas si on peut dire que c'est une vieille chaîne, j'ai mis longtemps à me lancer, et la première idée c'était de se demander pourquoi j'ai des milliers de figurines en fait, à quoi ça sert d'avoir autant de place de prise dans des vitrines dans mon bureau. J'ai quelque chose comme 15 mètres carrés, j'ai la chance d'avoir une pièce vraiment remplie de jouets, il y a un côté Père Noël là-dedans peut-être. Mais je voulais, on va dire, il y a le côté préservation pour moi dans la collection, mais il y a aussi le côté partage. Et je voulais, voilà, que ça ne serve pas qu'à moi, que je sois pas juste le vieux fou du quartier qui a des jouets, et de pouvoir avoir quelques discussions avec d'autres passionnés, sachant que les forums me manquaient beaucoup. C'était une époque où il n'y avait plus de forums, et moi j'étais un vieux des forums, tu sais, les forums ultra spécialisés où on était 20, et tout le monde discutait vieux jouets. Ouais, t'as vu, il a trouvé ça dans un stock en Belgique, ça veut dire que ça a été commercialisé en 87. Enfin, il y avait un petit côté recherche, des vieux forums de recherche de jouets, tu vois, on se retrouvait entre passionnés, et ça me manquait. Du coup, j'ai grogné pendant peut-être un an et demi parce que ça n'existait pas en vidéo sur YouTube, et ma compagne a fini par me dire « Mais si t'es pas content, t'as qu'à le faire toi-même. » Et je venais de recevoir un appareil photo pour mes 30 ans. Donc je me suis dit « On va utiliser le matos que Mémé m'a offert. » Et c'est comme ça que j'ai lancé la chaîne. Et coup de bol, j'ai pu rencontrer des gens bien comme Chris au tout début de la chaîne, que j'ai rencontré peut-être... Alors des gens comme moi, oui, bien. Là, je te laisse maître de tes propos. Hein. Je ne veux pas... Je suis. Tu peux dire la vérité. Je suis incohérent sur beaucoup de choses, mais pas là-dessus. Et ça a été, c'est ça. En fait, la révélation, ça a été qu'au final, YouTube, c'est un réseau social, et au fil des rencontres et des discussions, la chaîne a pu grandir jusqu'à maintenant bientôt 55 000 abonnés. Peut-être qu'on les a dépassés d'ailleurs. Ouais, moi, je dirais 56 300 abonnés. comme ça. Excellente nouvelle. Depuis septembre, je suis passé au format hebdomadaire, donc c'est un autre boulot, clairement. Mais jusqu'à maintenant, je faisais toujours un autre boulot à côté, des tafs alimentaires, mais qui restaient très très cool. Je m'amusais bien dans mon travail, mais c'était très prenant. Et là, j'ai fait le choix de me lancer à full sur la chaîne, en proposant donc un crowdfunding, je ne sais pas si là, cette fois-ci, j'ai l'accent, sur Ulule, qui a dépassé les 260% de ce qu'on demandait à la base, pour une série de documentaires où on va, avec mon camarade William Pillet, explorer des parcs d'attractions abandonnés ou disparus et tenter de retracer leur histoire directement sur place. Donc ça commencera le jour de la Toussaint, il va y avoir de chouettes invités, on a pu annoncer tout ça au fil de la campagne, et je suis le premier surpris, puisque oui, moi je à la base on demandait 8 000 euros, et donc on a eu 2,6 fois plus. Bon, après il y a la découverte de tout ce qui est administration et coût de production, mais c'est, on va pouvoir faire une série documentaire vraiment cool, et surtout ça permet également d'alimenter la chaîne sur tout le reste, puisque maintenant on est à une vidéo par semaine. T'es à une vidéo par semaine parce que la chaîne est devenue ton activité principale depuis la rentrée. Exactement, c'est l'activité principale, des sujets j'en ai beaucoup de près. Et ça permet d'aborder aussi bien les jouets que les parcs d'attractions, que le divertissement au sens large, que ce soit la publicité, que ce soit peut-être même l'édition. L'idée, c'est de raconter un peu le loisir du XXe siècle et son apport et son impact sur celui d'aujourd'hui. Mais alors du coup, une campagne Ulule à 270%. Romain, n'avez-vous pas peur que le succès vienne trop vite? Ben, c'est la question, c'est la grande peur. Après, j'ai eu le plaisir d'être accompagné par des professionnels. Normalement, pour le bouquin, on va être épaulé par un petit éditeur bien connu des Ululeurs, dont je ne dévoilerai pas le nom ici, mais leur nom termine par Books. Ça commence par Omake. Donc ça va, normalement la partie édition sera plutôt bien faite. Oh oui, c'est Urban Comics. Et pour la partie production vidéo, ça va être relativement cool, on a pu investir dans un peu de matériel, donc là il y a normalement un passage de cap avec un peu de fiction, avec des choses qu'on n'avait encore jamais vues sur la chaîne, et surtout des invités très très cool que je remercie d'avoir accepté de participer, comme Seb du Joueur du Grenier, ou Nota Bene, ou Benzaï, qui nous ont épaulés depuis déjà quelques années, et aujourd'hui viennent m'accompagner sur le feu d'artifice final de la fin de séquence 1 d'Archeo Toys. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent quand on a... Parce que quand tu fais une campagne à 8000, c'est parce que... T'as besoin de 8000 en fait, et comme tu récoltes plus de thunes, qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on récolte quand on fait un succès sur une campagne? C'est une question qu'on se posait avec Chris, parce qu'on a vu des campagnes exploser avec des mecs qui font leur premier palier en moins d'une journée et qui arrivent à des 1000%. Ouais, des 1000%, des 1,5 million d'euros, ce genre de choses. Là, on en est quand même plutôt loin. Mais oui, mais les autres sont trop chers pour nous, donc on a fait avec ce qu'on avait sous la main. Ça m'a permis déjà de limiter mon apport personnel, puisque même si c'est un projet un peu plus global, il y a une bonne partie qui est financée par moi-même. Le crowdfunding permettait de me filer un coup de patte, en fait, puisque je vais pas dire qu'on l'aurait fait exactement sous cette forme-là, mais de toute manière, j'avais envie de faire ça, donc je me serais démené pour le faire probablement sur mes propres deniers et dans un format vraiment réduit. Donc ça me permet d'être plus à l'aise de ce côté-là, et ça m'a permis aussi de doubler le nombre d'épisodes, puisqu'à la base, on était parti pour 6 vidéos, et là, il va y en avoir presque le double. Donc plus de contenu, un petit peu plus de contrepartie également, puisque j'ai essayé vraiment d'équilibrer la chose. Et puis, il faut pas oublier que l'État n'oublie pas de passer par là également, et que c'est à prévoir en conséquence, puisqu'il y a quand même beaucoup de frais annexes qu'il faut prendre en compte dès le début, sans quoi on... De type prélèvements sociaux, tout ça. Il y a l'URSSAF, mais à partir d'un certain seuil, il va y avoir la TVA. Donc la TVA, c'est 20%. Il y a des seuils à faire attention à ne pas dépasser, ouais. Oui, en gros, c'est comme les auto-entreprises. Quand tu es une auto-entreprise, en dessous de 30 000 euros, tu t'es pas soumis à la TVA. Et à partir du moment où tu dépasses en fait, ces 30 000 euros, tu ne peux plus être considéré comme auto-entreprise. Donc, tu deviens une entreprise avec un autre statut. Donc, là, tu te mets à récolter la TVA pour l'État et donc à lui reverser. Voilà. Ça fait quand même des trucs bien chiants juste pour parler de jouets et de parcs d'attractions. Mais ça en fait partie en fait, et je l'ai un peu découvert à mes dépens, mais ça fait partie de la professionnalisation de la chaîne, c'est aussi s'intéresser à ça. Je m'intéresse également à tout ce qui va être fonds de l'État, le CNC, ce genre de choses. Pour créer aujourd'hui, il faut savoir regarder partout, ne pas hésiter à faire des demandes auprès des organismes de droit d'auteur. C'est, je pense, comme ça qu'on peut réussir à faire de la création. Moi, j'ai découvert il y a peu que moi aussi, je pouvais être à la SCAM, à la SACD ou à la SACEM. Et du coup, ça permet toujours d'avoir un petit billet en plus, ce qui permet de créer encore plus, d'avoir un peu plus de matos, de pouvoir présenter des jouets, de faire des reviews si on veut, sans être dépendant de distributeurs ou de marques. Ça, c'est des choses qui m'intéresseraient. Puisque, alors, je ne sais pas... Peut-être que vos auditeurs ne me connaissent pas, mais j'ai toujours essayé d'avoir un ton le plus libre possible, quitte parfois à faire aller un peu dans le sens inverse du discours officiel des marques. Et quand il parle de ton, Matt, il parle pas de celui que t'as mis sur ta pizza. Non, je l'ai pas mis sur ma pizza, elle était déjà comme ça. D'ailleurs, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, Valentin. Mais c'est aussi ça, je pense, faire de la vulgarisation. Tu parlais d'Urban Comics tout à l'heure, mais quand on parle de sujets pointus, faut parfois aller à contrario de la communication. Et je pense que c'est là-dedans qu'on peut presque commencer à faire du journalisme. Là, il y a peu de temps, j'étais en guerre avec les Galettes Saint-Michel qui ont tenté de saccager leur page Wikipédia pour faire oublier officiellement leur histoire de village bamboula. De village bamboula. Est-ce qu'ils pourraient. Parce que là, on peut pas laisser passer un truc pareil. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du village Bamboula? Parce que si vous n'étiez pas dans les Pays de la Loire dans les années 90, vous n'avez peut-être pas forcément la référence de cette histoire fantastique. C'est en fait le dernier zoo humain français recensé en 1994. Hein. J'ai bien dit 1994. On n'est pas en 1844 ou on n'est pas dans les années 20. On parle vraiment d'une période contemporaine. Personnellement, j'avais 9 ans. Un zoo de la région nantaise a eu la bonne idée, en partenariat avec la biscuiterie Les Galettes Saint-Michel, qui est située à quelques kilomètres de là. Et qui commercialisait un biscuit intitulé Bamboula, donc de faire un parrainage avec le zoo, appelé Village Bamboula, dans lequel on a fait venir plusieurs familles venues de Côte d'Ivoire, entre autres. Grand Dieu. Présentées comme des familles d'artistes, mais qui étaient en fait des familles lambda, avec des enfants, des vieillards, vraiment. On a recréé un mini village africain en Loire-Atlantique, Sud-Loire. À Port-Saint-Père. À Port-Saint-Père, pour être exact. Et surtout, c'est le journal L'Humanité qui a révélé que ces gens-là n'avaient pas de contrat parce que le zoo avait réussi un coup de poker assez incroyable. Le territoire du zoo était de droit ivoirien, c'était une enclave ivoirienne, comme si c'était une ambassade. Et donc du coup, ces gens-là n'étaient pas payés, il y avait de l'argent envoyé en Afrique en leur nom. Ils n'avaient pas le droit de sortir du zoo, donc les enfants n'étaient pas scolarisés et ils ne voyaient pas de médecin. Il n'y avait pas de possibilité même d'aller au village. Ils étaient prisonniers. Alors il faut savoir que c'est la CGT Spectacle qui a porté plainte finalement, que ces gens-là ont été renvoyés très vite en Afrique et que on a fait disparaître en quelques semaines le personnage de Bamboula. Et depuis, les Galettes Saint-Michel feraient bien disparaître cette histoire d'Internet, notamment de Wikipédia, puisqu'ils réécrivent régulièrement leur page Wikipédia en omettant les détails, notamment leur condamnation, et également la gravité des faits, puisque là on est sur de l'esclavage moderne, c'est assez fou, hein, alors, et c'est les années 90, on était tous nés, quoi. Les médias locaux n'avaient pas vu le problème. Ouest France avait publié une couverture promotionnelle avec une Africaine à seins nus prise là-bas, donc avec des fausses cases. Depuis, donc Les Africains ont été envoyés chez eux. Le village a accueilli des Lémuriens. Pardon, est-ce que tu peux contextualiser? Les Africains ont été envoyés chez eux. Est-ce que tu peux contextualiser tout ça? Les familles d'artisans et d'artistes africains ont été renvoyés chez eux. On les trouve toujours sur certaines cartes postales achetées d'occasion sur des sites spécialisés. Donc il existe des cartes postales avec ces gens-là. Et j'ai trouvé un témoignage de quelqu'un qui est parti en Côte d'Ivoire en brousse et qui est tombé sur quelqu'un qui connaissait bien la ville de Nantes et qui lui a expliqué avoir fait partie du zoo. Donc c'est quelque chose de contemporain, il existe encore des survivants, et puis surtout il y a une vraie affaire politico-financière à gratter avec cette histoire de rétrocession d'un territoire à Port-Saint-Père à l'état ivoirien, sachant que Alassane Ouattara, l'actuel président de la Côte d'Ivoire, était sur place pour l'inauguration. Il était ministre du tourisme là-bas à l'époque, donc ça a été choisi en haut lieu. Il se passe pas grand chose dans l'Euro-Atlantique sans que Jean-Marc Ayrault soit au courant. Jean-Marc Ayrault, ancien premier ministre, mais surtout ancien maire de Nantes pendant presque 25 ans. Donc il y a de l'histoire à gratter derrière, et voilà, c'est ce que j'aime faire sur la chaîne, et c'est ce qu'on fera en partie sur Archéoparc. Il n'empêche que ces petits biscuits étaient délicieux. Voilà, c'est quand même ça qu'il faut garder. Ils étaient trop secs. Il fallait toujours un verre de lait avec. Ah ben évidemment, faut les tremper dans le lait, évidemment. Hein, donc vous pouvez toujours les trouver sous le nom de roux sablé cacaoté. Ça a toujours le même goût, mais il n'y a pas de petit africain en pagne. Mais il faut savoir que les Galettes Saint-Michel envoient régulièrement des produits à des youtubeurs, mais pas à moi. Étrangement. Ils ont toujours une gamme qui s'appelle les Tam Tam, mais il y a moins de polémique. Le Tam Tam, ça va, non? C'est pas... Ah, Bamboula et Tam Tam, c'est très proche. Hein. La Bamboula, en fait, c'est une musique de Tam Tam à la base. Mais on en reparlera. On en reparlera en vidéo. Et est-ce qu'on peut parler de la Bamboula de Carlos? Ben voilà, oh, ça les, fait... Les... Ah, la Bamboula. Ça en fait partie. C'est une partie de leur défense. Mais clairement, mettre un petit Africain en pagne, sachant que le petit Africain en pagne date pas de la Première Guerre mondiale, hein, on n'est pas face à Banania ou ce genre de choses. Là, c'est un personnage inventé en 87. Non mais détendez-vous, il y avait à l'entrée du truc un panneau sur lequel il avait marqué « Le village de Bamboula ». Si tu veux faire avec plus raciste que ça, ben, c'est quand même fascinant, quoi. Ben, c'est une autre époque, je pense. Oh, arrête, c'est une autre époque. Mais si, parce que c'est des... Au secours. Je pourrais vous partager des interviews du promoteur de ce truc-là, qui est mort, on l'a retrouvé mort, noyé dans sa piscine en 2006. Donc on pourra pas... on est face à la France-Afrique, enfin, ça va plus loin que ça. C'est des types qui allaient braconner des animaux pour les mettre dans des zoos. Et à côté de ça, est-ce qu'il faut... continuer d'en parler, quitte à éclabousser les actuels propriétaires du zoo qui a changé de nom depuis et qui voilà, ça a complètement ça a disparu, même si les bâtiments, effectivement, les cases où vivaient les Africains existent toujours et c'est devenu un village kirikou. Aujourd'hui, c'est des kirikous en carton qu'il y a dedans. Ok. Va falloir que j'y retourne, dis donc. Alors, ça questionne aussi la notion. Vous avez vraiment une belle région. Hein. Mais vraiment, voilà. Mais non, mais c'est sympa. Tu peux faire un safari en voiture. Tu te balades au milieu des animaux. Tu leur jettes des pop-corns et il y a des zébus qui rayent avec leurs cornes les portes arrière de ta Clio. C'est quand même super. Avec un peu de chance, tu peux renverser un lion. Si t'arrives à le pécho, tu peux repartir avec la peau. C'est un copain qui m'a dit ça. Mais parce que le popcorn avec les lions, ça marche pas. Ça marche pas. Non, par contre, les enfants. Ouais, mais il faut qu'ils saignent. Le lion est attiré par. Tu vois, il faut mettre une entaille. Comment ça va? On ira ensemble. Ouais, oh, bah, j'espère voir un documentaire sur Planète Sauvage, puisque c'est le nouveau nom de ce parc, dans Archéoparc. L'idée, c'est pas de parler de Planète Sauvage, c'est de parler du safari africain, le parc de l'époque. On veut pas avoir... enfin, l'idée, c'est pas de conspuer des gens qui ne font que récupérer de l'immobilier. En gros, c'est ça. Ouais. Même si le concept est le même, et ne t'inquiète pas, on n'hésitera pas à aller sur place. Ah, eh bien, je suis pressé de voir enfin cette vidéo polémique. Ça va saigner sur YouTube avec Archeotoys, le poil à gratter des parcs d'attractions. Mais j'ai hâte de voir le moment où je serai interdit de certains parcs d'attractions. Puisque le Futuroscope, je pense, va me détester. Là, on prépare un truc sur le Futuroscope. Je pense que je serai une des rares personnes blacklistées au Futuroscope. Avec son visage au-dessus de toutes les caisses, tu sais. Wanted. Et tu sais qu'à Disney World, ils ont vraiment une liste qui fait plusieurs dizaines de milliers de noms. Hein. De quoi? D'influenceurs qui ont été... De gens qui sont interdits de parc. Et okay. Ils scannent un truc de reconnaissance faciale pour voir si c'est pas toi, quoi. Il y a tout un système avec des gens qui sont... Alors, je pense qu'il y a des criminels... Ils ont réussi à trouver Xavier Dupont de Ligonnès. Mais c'est Disney World. Un des amis de Michael Moore qui avait participé pour lui à un sketch où il allait en poulet, déguisé en poulet à Disney World, a été banni à vie et il est toujours fiché. Ils ont un fichier privé de surveillance. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, c'est assez impressionnant la sécurité autour de Disney World. Et à Disneyland Paris aussi ? Alors peut-être moins, je veux pas parler de Disneyland Paris, ça peut nous péter la gueule. Ils sont très près là, tu sais, ils peuvent sonner chez toi à tout moment. Il y a une brigade à Disneyland Paris qui surveille les réseaux sociaux, qui est liée à la brigade Fox, une brigade de surveillance des employés et des visiteurs du parc, avec des anciens DRG qui circulent avec des poussettes dans lesquelles il n'y a pas d'enfants, qui écoutent ce que tu racontes quand tu es dans le parc et qui surveillent à peu près tout. Ouais. Si un jour j'ai l'occasion de vous faire lire... Non mais c'est une déconne. Non. J'ai beaucoup de témoignages et je vous ferai lire un jour un contrat type de chez Disney, des parcs Disney. Ce que tu acceptes est assez fou. Hein. Ouais. C'est vraiment à l'américaine. Il y a 30 ans, ça n'aurait pas été possible en France. Au moins, Astérix, t'es pas emmerdé. Il y a un gendarme à l'entrée. Il a la liste des gens blacklistés. Il dit, c'est pas vous ? Non, c'est pas moi. Bon, c'est bon, vous pouvez passer. C'est plus gaulois. C'est plus gaulois. Et t'imagines au Futuroscope, c'est un vieux robot des années 80, un vieux mannequin à qui manque un bras, qui dit « Allez-y, bienvenue en l'an 2000 !» C'est les robots de ce film, le trou noir, tu sais, il y en a un qui est tout écrasé, là. Ouais, mais avec la voix de Kamel Wally. Avec la voix de Malik Bentala, qui a été viré du film Sonic, et donc il fait les robots au Futuroscope, maintenant. Il y a un vrai truc à creuser. Ouais, on va essayer pour aller filer du boulot. Mais j'ai découvert des choses assez cool. Franchement, je ne m'attendais pas à trouver autant d'histoires intéressantes autour des vieux parcs d'attractions en France. Là, sur la totalité de mes recherches, parce qu'il y a quand même une grosse année de recherche derrière le lancement du crowdfunding, il y a à peu près une quarantaine de parcs que j'ai pu identifier et qui ont une histoire intéressante. Et en fait, on se rend compte très vite que chaque patelin a eu un jour son idée de « tiens ! Si on faisait un parc de loisirs, alors à différentes époques et à différents budgets, mais il y a eu des choses assez folles qui ont été pensées, d'autres qui sont des projets avortés, mais on trouve des idées assez incroyables, ouais, partout. Et alors, on a tous autour de chez nous un parc d'attractions qui est le parc d'attractions de la région, qui est le truc plus ou moins moisi, mais qui existe, quoi. Mais il y en a beaucoup, rien que dans le 72, hein, petite région choisie au hasard. De tête, là, j'en ai 4, dont 2 qui sont fermés. Moi, j'ai pas Papéa Park, tu vois, évidemment, qui est celui qui est le plus proche de chez moi. Complètement, mais alors, l'idée, c'est vraiment d'en trouver des disparus. Donc, soit c'est un parc qui a été remplacé par un autre, soit c'est des parcs qui, tout simplement, n'existent plus. Les rires des enfants se sont envolés. Mmh. Il ne reste rien que. On a par exemple un parc de cow-boys dans l'Oise. Alors il reste peu de choses, mais il reste quand même des rails, du petit train, il reste quelques petits souvenirs, et puis surtout il reste une mémoire. C'est aussi se raconter que dans l'Oise, des picards déguisés en cow-boys ont passé 30 ans à chasser des indiens qui étaient en fait des marocains, qui on avait mis des perruques, mais que ça faisait rêver les gens, et que il y a peut-être une culture western dans ce coin-là en France, notamment avec beaucoup d'associations, parce que ça a entretenu des choses. Il y a vraiment des projets, des projets de vie, en fait. Très souvent, c'est un projet culturel global. Je ne peux que vous conseiller ma vidéo sur Big Bang Schtroumpf. Oh, tu es chiant. On sent que tu vis de YouTube, toi, hein, putain. Mais parfois, on a tenté de sauver des régions entières avec des parcs d'attractions. On s'est dit, on va installer un parc d'attractions à la place d'une usine qui vient de fermer. Ça fera venir des gens et la région pourra continuer à vivre. Raconter ces histoires-là, c'est raconter de l'histoire contemporaine. C'est presque le boulot des écomusées, quoi. Réussir à revenir sur une histoire proche qui nous parle à tous. Très souvent, vous serez surpris sur des choses qui nous parlent totalement, mais une attraction alien, des trucs qu'on n'imaginerait pas et qui peuvent être hyper anciens. J'ai retrouvé un parc d'attractions Tintin. Et alors là, je peux vous garder une petite exclue. On a même carrément des images. J'ai pu récupérer là des images satellites et des images de la guerre froide pour certains parcs dont je n'avais aucune image. J'ai pu récupérer des images de l'IGN qui datent des années 60 en infrarouge, enfin des trucs. Ça va être vraiment cool. Là, j'ai vraiment hâte de vous montrer ce que j'ai en tête. Je suis chaud. Moi, du coup, je regarde les parcs d'attractions en Normandie. Il y en a un qui s'appelle Le Village Enchanté. Visiblement, Mylène Farmer est passée par là. Eh ben, Le Village Enchanté, ça date des années 50. Et c'est une petite merveille de kitsch. Hein. Ça vaut pas grand-chose sur un point de vue attraction. Mais c'est très ancien. Et surtout, c'est inspiré des légendes. T'as une célèbre photo avec les sept nains et un petit train qui passe devant. Valentin, il y a Arachnopark à côté de chez toi. Il y a quoi ? Arachnopark à côté de chez toi. Ouais, j'adore. J'adore. En Normandie, on va bientôt ouvrir Rustic Park, qui est le premier parc en grandeur nature, en jeu de rôle grandeur nature. Où à l'entrée, on te donnera un costume et tu devras aller voir des PNJ qui te donneront des quêtes. Ah, ça, c'est stylé ça. Est-ce qu'il y a toutes les tailles de costumes ? Je pense. C'est pour un ami. Je n'imagine pas leurs frais de teinturerie, mais... Toi, Matt, tu fais Red Sonia, donc tu vas kiffer. J'ai à peu près la même poitrine que le personnage. Mais effectivement, on est dans une société de loisirs depuis la deuxième moitié du 19e siècle. Et les plus anciens parcs qu'on a trouvés datent de cette époque-là, ouais. On va pouvoir remonter très très loin, se questionner sur la notion de loisirs, se questionner sur les congés payés, se questionner sur le club Mickey... Les clubs de plage, je pense que tout le monde a connu ça au moins une fois dans sa vie. Enfin, si vous avez eu la chance d'aller à la mer étant enfant. Non, ne vous a jamais abandonné dans un club Mickey ? Non, ouais, non, parce que mes parents n'étaient pas assez riches. Ah bah c'était genre 8 francs l'après-midi. Hein. C'était vraiment donné. Hein. C'était vraiment le truc. Mais c'était vraiment très très pauvre. j'ai passé mon enfance dans la chanson de Michel Jonas. Alors on regarde les bateaux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'on est dans une culture populaire. Parc d'attractions n'a pas toujours voulu dire 150 balles la journée. Même si c'est le cas aujourd'hui. Je suis pas d'accord avec toi. Les gros parcs d'attractions vont être méga chers, mais tous ces petits parcs d'attractions dont on parlait, je pense notamment à Papea ou à ces trucs-là, tu vas pouvoir passer ta journée là-bas avec tes deux gamins. Après, si tu consommes plein de bouffe, de trucs trop chers, oui, mais les entrées vont te permettre de passer une journée qui sera un budget, mais sera 60 balles pour toute la famille pour la journée, tu vois, pas 150 balles par tête comme nos amis de Disney. Après, on voit aussi que le parc d'attractions peut être, est culturel de toute façon, puisque la plupart du temps, on nous raconte des mythes et légendes qui sont hyper anciens à l'intérieur des parcs d'attractions. Il y a combien de Blanche-Neige et les Sept Nains, il y a combien de dragons qu'on peut trouver dans le parc d'attractions, même au parc Astérix. On est dans des mythologies à chaque fois, et on tombe parfois dans des mythologies politiques. Avec une histoire qui va servir un projet, comme le Puy du Fou. Moi, c'est des histoires qui me passionnent. Le Futuroscope aussi est un parc politique. Ok. Est-ce que tu vas aller au parc d'attraction de la Fistinière ? Il a fermé. Oui, et c'est bien triste. D'ailleurs, j'ai pas pu me faire rembourser mon abonnement. Ça, je suis assez déçu. Eh bien, sachez qu'ils ont préféré fermer à cause des petits rigolos qui prenaient des soirées qui payaient des trucs, mais qui venaient jamais. Donc, ils ont préféré rouvrir un autre lieu. Beaucoup de gens offraient des soirées. Et du coup, c'était une blague, mais ils avaient payé, les 80 balles de la chambre, quoi. Du coup, il y avait la limite, tant que les mecs payent, même s'ils viennent pas. Bah là, parce que si t'as personne, du coup, les vrais clients. Par papillon. Ah oui, c'est ça. Quand t'es un vrai client et qui a payé ta place pour te retrouver dans une soirée attraction, la Fistinière, et du coup, t'es tout seul. Y a personne pour t'attraper. Et du coup, voilà, c'est pas cool pour toi. Ça fait une mauvaise. Et puis après, sur TripAdvisor, ça fait quand même une mauvaise note. Non, je peux comprendre la déception de ces gens. Enfin, l'imaginer, je veux dire. Ok, il y a plein de parcs d'attractions à aller découvrir. Et alors, est-ce qu'on peut faire caca dans un parc d'attractions, Romain ? J'ai fait beaucoup de parcs d'attractions dernièrement. Je pensais pas qu'il allait répondre au premier degré. Où j'ai été faire caca dans le monde de Star Wars. Là, ça rigole plus. J'ai été sur... T'as fait caca dans la tranchée d'étoiles noires. J'ai fait caca dans l'espace. Et c'était quelque chose. C'est-à-dire qu'à Disney World, il y a le Land Star Wars, hein, Galaxy Age. Et dans à l'intérieur, personne je voulais ne vous entendra absolument caguer. Pouvoir visiter les GOG. Puisque tu te dis, mais comment est-ce tout est décoré là-dedans, tu vois, tout est en mode Tatooine, t'as des tuyaux qui sortent de partout, des droïdes qui te regardent. Comment ils ont fait pour les toilettes? Et donc, j'ai vécu l'expérience du Stormtrooper moyen, on va dire ça comme ça, qui était assez rustique. C'est-à-dire que, déjà, tu rentrais dans une grande pièce, t'avais un lavabo qui était en fait un espèce de V en acier, mais qui faisait 8 mètres de long. Tu vois, un espèce de, comme une buse avec plein de petits robinets. Et donc, tu avais des cages de métal dans lesquelles tu allais faire... tes besoins dans le même type de toilette que dans le TGV, tu sais, mais sans le fou fou fou fou fou fou, tu sais, qui fait un peu peur, qui retient un peu le... T'as un peu peur, tiens, t'as un changement d'aiguillage, fou fou fou fou fou fou fou, tu te dis putain non, pas tout de suite. Et ben là tu l'avais pas, et vraiment je suis sorti des toilettes après cette expérience, j'ai croisé un type qui m'a regardé dans les yeux, je l'ai regardé dans les yeux, et on est allé vers les lavabos en souriant, parce qu'on savait que tous les deux, on venait de faire caca dans Star Wars. Tu vois ? Il y a une sorte de capacité qui est née ce jour-là, quoi. Mais vraiment, c'est... En plus, tout ce qu'ils vendent là-bas est un peu gras, tu vois, ils ont le concept du kebab de l'espace. C'est-à-dire que c'est comme un kebab, sauf que c'est à 17$, et qu'ils te mettent des pop-corns bleus, tu vois, autour, des pop-corns salés pour te faire plaisir... pour décorer le machin, et donc c'est vrai que c'est vite fait, j'ai goûté le lait bleu aussi, le lait bleu très très bien pour aller faire caca dans Star Wars. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, comme Luke boit du lait bleu dans l'épisode 4, ils ont eu la bonne idée de reprendre ce concept-là dans l'épisode 8. C'est malin. Et donc tu as des marchands de lait bleu qui sont des petites boutiques dans Galaxy Age, où ils te vendent un espèce de cocktail opaque bleuté, qui a à peu près le même goût que les chenilles chimiques en bonbons, tu vois, mais liquide et très froid. Tu peux demander du rhum avec un petit supplément rhum. Ouais, il était 10h30 du mat, donc mes accompagnateurs ont pris avec le rhum, moi j'ai pris 100, et c'était, oui, effectivement, tu vas vite fait faire caca dans Star Wars après ce genre de nourriture. C'est toute une expérience Galaxy Age, hein, ils ont tout prévu. Tu vois, t'as envie de chier, t'as envie de te divertir, t'as envie de caresser Chewbacca, il y a tout. C'est marrant parce que faire caca dans Star Wars, c'est un peu ce que J.J. Abrams a fait avec l'épisode 9 pendant 2h30. Et ça, c'est plutôt pas mal. Excellent, excellent. Ouais. J'ai fait pipi dans Harry Potter chez Universal. Et c'était... Alors attends, parce que autant Star Wars c'est un titre, c'est impersonnel, ah autant non, j'ai fait pipi dans Harry Potter, ça peut prêter à confusion pour le coup. J'ai fait pipi dans Harry Potter et là il y avait moins de magie. Alors que tu passes ta journée. Est-ce que t'as pissé contre baguette. Un mur qui en fait n'existait pas? C'est ça le truc, ça, si tu veux. Mais alors j'aurais pu, mais je crois que c'est filmé. Mieux vaut pas. Tu sais, les Américains ils aiment pas tout ce qui est mixtion sur la voie publique dans les parcs d'attractions. Et du coup, alors, raconte-nous, qu'est-ce que c'est que ce pipi dans Harry Potter? Je brûle de tout savoir. Alors, il faut savoir qu'à Orlando, pas le frère de Dalida, hein, la ville aux États-Unis. Personne n'a cette référence, personne n'a compris cette joke. À Orlando, il y a parmi certains des plus grands parcs du monde, donc le Disney World qui fait 160 km² pour la totalité de leur domaine. Il y a également Universal Orlando, SeaWorld, et dans Universal Orlando, il y a un land complet de Harry Potter où ils ont recréé la totalité du chemin de traverse. Et tu prends le train ensuite, la gare a été refaite aussi, et tu vas dans un autre land où là t'es à Poudlard en fait, t'es à Pré-Hollard, voilà, donc t'as Poudlard au loin, et vraiment c'est sur peut-être 2 ou 3 km carrés, c'est vraiment impressionnant. Donc quand tu vas pisser, à chaque fois tu vas dans les toilettes du bâtiment. Donc je crois que j'avais été pissé dans un truc en forme de train, et donc c'était un peu oubliable sur le coup. J'aurais dû aller pisser chez les Gringotts, où là, à mon avis, il devait y avoir un peu de dorure. Ok. Mais qu'est-ce que j'ai testé comme toilette? Les toilettes Jurassic Park, Évidemment, évidemment. Ah, alors du coup, est-ce que ça tremble comme ouais. si un T-Rex marchait à côté de toi? Ben, j'espère que ça se finit pas comme dans le film. C'était un peu la déception, quoi. Parce que j'avais fait quand même 6500 km aller, tu vois, pour arriver la semaine où la grosse attraction au Jurassic Park est fermée pour... T'as dépensé sans compter ou pas? Rénovation annuelle. Tu vois, elle est fermée une semaine tous les 6 mois et j'y étais cette semaine-là. T'as loupé la vanne de Val? Non, c'est pas grave. Si, elle était bien. Non, c'est parce que j'exprimais ma tristesse d'avoir fait tous ces kilomètres pour rien. J'ai encore beaucoup de frustration autour de ça. Puis le plus dur, c'est de se retenir pendant 6000 km. Voilà. Poser ta pêche à Jurassic Park, tu vois. Et coup de bol, le command compounder, le centre des visiteurs, lui, était ouvert. Donc il y avait encore les petites marionnettes, ce genre de merde, mais il n'y avait pas la grosse attraction où tu te fais attaquer par le T-Rex, le mégalodon et compagnie. Et donc, j'ai pu aller faire pipi dans la jungle, mais encore une fois, même s'il y avait des simili fossiles au sol, c'était pas l'expérience Star Wars. Et puis, tu vois, ce plaisir de se retrouver avec un autre homme dans ses toilettes et de se dire, ouais, t'as vu, on est sur Tatooine, ma gueule. Vas-y, je te laisse, il faut que j'aille me fabriquer mon sabre laser. Il y avait vraiment un côté expérience complète. T'imagines, les mecs poussent l'expérience Star Wars, l'expérience Jurassic Park à Donf. T'es en train de faire caca et d'un seul coup, le toit des toilettes est arraché par une sorte de mâchoire mécanique d'un T-Rex qui viendrait te secouer comme ça. Ce serait formidable. Je paierais pour ça. Bientôt, tu vas pouvoir faire pipi ou caca dans Godzilla aussi, apparemment, puisqu'au Japon, ils vont faire un parc d'attractions autour de Godzilla avec une tyrolienne où en fait, tu rentres dans un Godzilla grandeur nature. Est-ce que tu peux faire caca depuis la tyrolienne? Est-ce que c'est pendant que tu es en tyrolienne que tu dois faire caca? Comment ça marche? Je ne sais pas après, mais ça a l'air plutôt classe. C'est un scandale. Donc voilà, c'était le résultat de mes expériences dans les différentes toilettes aux États-Unis. Sachant que les boissons étant en illimité, une fois que tu as pris le pass à $17, bah, tu as tendance à aller aux chiottes toutes les 2 heures. Aïe. Depuis, je suis sous dialyse. Pour être complet, pour faire un droit de réponse par rapport à notre épisode précédent, quel est ton point de vue sur la pizza ananas? Bah écoute, en tant que fan des Tortues Ninja, j'ai vu beaucoup d'horreurs ces dernières années, et j'ai envie de te dire, une pizza ananas devrait toujours être accompagnée d'anchois. Tu vois, quitte à ce que ce soit maudit, autant que quand tu vomisses ton ananas, tu as le droit à des petits poissons qui... J'ai retrouvé mon album Panini des Tortues Ninja des années 80, c'est le vrai, hein, il y a mes images à l'intérieur, tout ça... Est-ce qu'il y a le poster? Bah non, j'ai dû l'enlever sûrement. Ah bah mais... super. Dans ce livre, au tout début, je les avais coloriés, vous allez voir, c'est magnifique. Tu as les recettes de pizza des Tortues Ninja. Donc, je peux vous proposer les recettes de pizza des Tortues Ninja. Je pense que Chris aimant la Hawaiian Ananas, il va adorer. La pizza de Donatello, c'est gelée de haricots et champignons. Jusqu'à présent, c'est soft. La pizza de Raphaël, pourquoi c'est pas. À base de poivrons et de glace, évidemment. Michelangelo, lui, fait anchois caramel fondant. Et Léonard, c'est ma préférée, j'ai vraiment envie de tester ces bananes saucisses. Je pense qu'une banane cuite avec une bonne saucisse de morteau, tu dois pouvoir faire quelque chose. Les deux ingrédients faisaient partie du gloubi-boulga de Casimir. Oui, c'est clair. Donc il y a peut-être un truc à voir, faut rajouter beaucoup de moutarde, je pense. Tu crois qu'en vrai, le caramel sur la pizza, je suis sûr que c'est pas une mauvaise idée. Non, mais caramel anchois, on parle. Ah non, peut-être pas en choix, mais le caramel sur la pizza, écoute, la prochaine fois on teste ça. Allez. Bon alors attendez, parce que notre dernier épisode, du coup on a parlé ensemble des pizzas à hawaïennes et de la pizza thon tomate. Donc j'ai fait mes devoirs le lendemain de l'enregistrement de notre podcast. J'ai boulotté une pizza hawaïenne sur les conseils de celui qui était mon ami jusqu'à présent, Chris II. Et hier soir, puisque vous vous souvenez, j'étais tombé nez à nez avec une pizza thon tomate dans mon congélateur laissée par mon locataire. Mon locataire est parti, mais la pizza est restée. Donc hier soir, je me suis dit, allez, t'as enregistrement demain, pour la science, ne meurs pas idiot, on va goûter tout ça. Eh bien... C'est dégueulasse, hein, tout ça, c'est pas bon, hein. La pizza thon tomate, en plus, c'est tout sec et tout, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Et la pizza hawaïenne, en fait, c'est très très très bon. Dès que tu as enlevé toutes les petites merdes d'ananas là, qui sont posées sur ta pizza, à partir de ce moment-là, tu peux la manger et c'est assez bon. Limite avec beaucoup de sauce barbecue, tu vois. Ouais, je ne sais pas. Mais oui, la hawaïenne poulet barbecue, après, meilleure pizza du monde. T'as des aigreurs au stomac, ouais, non, je suis pas pour. Après, il faut savoir que les pires recettes à la con peuvent devenir parfois de très belles recettes. Le moindre truc, tu lui dis caca, il a quatre anecdotes fantastiques. Tu lui parles de pizza dégueulasse, il va te sortir des trucs de ouf. Est-ce que vous savez que grâce à Gaston Lagaffe, on a découvert que le poisson à l'anis, c'était bon? Franquin avait inventé une recette où Gaston mélangeait des fraises avec du poisson et de l'anis. Sortez-moi de là. Un de ses amis a voulu faire la recette pour le faire gerber, et au final, les fraises avaient fondu, l'anis était hyper bon, et en Belgique, c'est pas rare de trouver du poisson à l'anis, parce que Franquin avait inventé ce truc-là. J'aime bien cette histoire. Et Globibulga, non, il n'y a pas un ami de Casimir qui, pour déconner, d'ailleurs du comédien de Casimir, parce qu'il faut le dire, hein, c'était un mec dans un costume de Casimir, comme ça, il n'y a pas un ami qui a essayé de faire du vrai Globibulga et qui aurait pu breveter la recette. Alors j'arrête tout de suite cette émission. Mon frère et moi, on a mangé du Globibulga quand on faisait Arrête où mon geek va tirer. La vidéo doit toujours être sur internet. Du vrai? La recette officielle? Ouais, tout à fait, on a suivi la vraie recette du Globibulga, ou presque. Pourquoi? Et le pire, c'est qu'il y a une réponse à ce pourquoi, c'est comme si c'était normal. Il me semble que c'était un défi que les gens nous avaient lancé si on avait un certain nombre d'abonnés sur YouTube ou un truc comme ça. D'accord. Je crois. Okay. Et donc on avait dit, bon, on va manger un vrai Globibulga. Et bon, on le refait un peu, on n'a pas tous les ingrédients exacts, donc ça ressemble à 90% au Globibulga. Et spoiler, c'est pas bon. Voilà. Sans déconner. Et ça a été un grand classique des soirées Globibulga Night au début des années 2000. Et je pense que c'est aussi une des causes de leur perte de vitesse. Ah, je me souviens de ça. Ah bah c'est eux qui ont lancé la mode rétro vintage en France. C'est les premiers à avoir commercialisé des... Avec Chantal Goya. Ouais. Et Bernard Minet. Ah, toujours sur les bons coups, bon Bernard. Ah bah écoute, dès qu'il y a des gens un peu déguisés, la nuit, il est là, hein. Attends, je vais googliser moi les soirées Globibulga Night, ça me rappelle plein de trucs là. Ah, c'est surtout une pub qui passait très souvent sur France 3 pour leur compile. Et si tu vas sur le site de l'INA, il y en a des dizaines. Et ben voilà, je sais ce que je vais faire après l'enregistrement de cette émission. On n'est jamais déçu quand on va sur l'INA. Si, moi, quand ils m'ont demandé de payer. On parle du site internet INA, hein. On parle pas de. Bref, pardon, excusez-moi. Sacrée gourgandine celle-là. Bon alors messieurs, quelles sont les dernières figurines que vous avez achetées? Tiens, ça m'intéresse pour mes prochaines vidéos. C'est un travail comme ça que je fais pour mes prochaines vidéos. Qu'est-ce que vous avez acheté dernièrement? Je sais que certains d'entre vous sont pauvres, mais peut-être que, je sais pas, votre grand-mère vous a fait un cadeau, un chandail, quelque chose. La dernière figurine que j'ai achetée, c'est un The Clown de McFarlane Toys. C'est un Spawn série 1 avec un comics à l'intérieur que j'hésite à ouvrir. Oh, et c'est vraiment ça. Eh ben j'ai le même, donc je te propose que le jour où tu l'ouvres, je l'ouvre aussi. Alors t'as le clown avec la tête qui se retourne? Ou déjà transformé en violator? Avec la tête qui se retourne. Ok, alors je pense que je te bats, je l'ai en packaging espagnol. D'accord, mais c'est pas grave puisqu'on va les ouvrir. Ah, la familia tiene un perro. Quel beau comics. Oh là là. Évidemment, c'est une blague qui n'est drôle que si vous parlez espagnol, bien sûr. Moi, ça commence à dater, hein, puisque je l'ai eu le jour de sa sortie, donc il faudra juste aller checker la date sur Internet. Je pense que c'était l'amiibo de Samus Sombre. Voilà. C'est ça, la dernière figurine que j'ai achetée, parce que j'aime bien les amiibo Metroid. Mais les amiibo sont-ce des figurines? Ou ne sont-elles pas des figurines? Ce sont des figurines avec une puce... NFC, ah. NFC. NSC, merci, à l'intérieur. Donc pour moi, ce sont des figurines et ça reste des figurines. En tout cas, moi, je les utilise quasiment jamais en DLC, en jeu. Donc ouais, c'est ça. Donc elles sont là uniquement pour faire joli dans ma vitrine. Et qu'est-ce qu'elles sont jolies. Et moi, du coup, bah, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est le Raphaël de la collection Ultimates de Super 7 que j'avais précommandé il y a fort longtemps. Ce que j'ai précommandé à l'annonce. Et je crois que j'ai attendu pas un an, mais bien 6 mois avant de le recevoir. Ouais, plus que ça, parce qu'avec le confinement, ça a dû rallonger un peu. Et c'est une belle figurine, mais effectivement, la douane m'a pas oublié, donc ça m'a un peu fait mal au cul, quoi. Voilà. Mais je suis quand même content parce que moi, dès qu'il y a des tortues ninja, je suis une bonne vache à lait, hein, et je lâche le pognon. Voilà. Donc, bon, je pense que je vais faire une connerie. Et toi, Romain, c'était quoi ta dernière figurine? Et ben moi, je me suis lancé sur les NECA Tortue Ninja il y a quelques mois maintenant, et elles sont vraiment très très très cool. C'est pour ça que les Super Seven m'intéressaient aussi. Et ça fera peut-être partie de prochaines vidéos, à savoir qui choisir du coup entre Super Seven ou NECA, sachant que les figurines sont très proches. À des prix différents. Là, je m'intéresse pas mal à ce que fait NECA en film, en cartoon, enfin, en adaptation, je veux dire. Et vraiment, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix vu ces dernières années. C'est assez incroyable ce qu'ils arrivent à sortir. Donc j'en ai un peu trop. Là, entre les mains, vous ne pouvez pas me voir, mais j'ai un Metalhead, la fameuse robot tortue, qui est de toute beauté, que j'ai eu le plaisir de recevoir ce matin. D'aller chercher, puisque je ne suis jamais livré. On en parlera plus tard, on fera une spéciale chronopost. Bah non, Chris, il a une très très bonne anecdote justement sur son colis du week-end. Oui, j'ai retrouvé un, mais c'était pas chronopost, pour le coup c'était la poste. Bah en fait, j'attendais un colis. Je n'étais pas chez moi ce week-end, je reviens lundi matin, je regarde mes mails et je vois que le colis a été livré le samedi. Mais j'ai dit, bah moi en rentrant dimanche, j'avais pas de colis dans ma boîte aux lettres. Et effectivement, puisqu'il était par terre derrière ma boîte aux lettres. Et donc il a passé le week-end, bah comme il fait toujours beau en Normandie, il a passé le week-end sous l'eau. Du coup, ça m'a un petit peu mis de mauvaise humeur, mais bon, heureusement, voilà, il n'avait rien. Voilà, le contenu du colis, c'était le vinyle du dernier album de Deftones, d'ailleurs, puisque vous avez l'air de vouloir tout savoir. Heureusement, il était très bien emballé, donc voilà. Et RAS, mais reconnaît que le vinyle, du coup, le colis s'ouvrait assez facilement. Ah bah oui, puisque le carton avait été resté pratiquement immergé sous la pluie normande pendant 48 heures. Donc effectivement, l'ouverture a été assez simple. Ouais, donc bon, c'est pas top. Mais par contre, la vidéo de Romain, j'en profite pour faire de la pub pour notre invité, ce qui est un peu bizarre. La vidéo de Romain sur Chronopost est super intéressante parce qu'elle va beaucoup plus loin que le simple fait d'expliquer pourquoi Chronopost, ça marche mal. Ça soulève vraiment des tas de questions quant à la façon dont on fait fonctionner nos services. Et c'est pas valable uniquement pour la livraison de colis. Enfin voilà, ça soulève des tas de questions hyper intéressantes et j'ai trouvé que c'était vraiment une vidéo d'utilité publique. Voilà, donc j'en profite pour le dire. Et si vous ne l'avez pas vue et que vous ne connaissez peut-être pas Arkeo Toys, eh ben à la limite c'est un bon point d'entrée, même si ça parle pas de jouets directement. Ça montre toutes les questions qui peuvent être soulevées à travers des sujets, bah en fait assez anodins, quoi, comme la livraison d'un colis ou bah même une simple figurine. C'est un peu ce que je fais aussi avec Comics Rise, quoi. C'est pas parce que c'est un objet qui paraît anodin et on pourrait penser que c'est un truc d'ado attardé, bah c'est pas pour ça que derrière tu peux pas soulever des questions intéressantes avec. Un peu comme et ce Romain podcast le fait très bien avec les jouets, voilà. Merci beaucoup, Chris. Non, mais c'était une vraie réaction de rage au début, quoi. J'ai vraiment hésité à faire la vidéo, tu sais, le pétage de plomb, taper Chronopost sur YouTube, il y en a 400. Où les mecs expliquent à quel point leur livreur est horrible, qui leur a volé leur iPhone, ce genre de choses. Et j'ai voulu aller au-delà de ça parce que, bah mine de rien, le taf qu'ils font, j'aurais bien du mal à le faire moi aussi, surtout dans les conditions dans lesquelles ils travaillent. Donc, j'ai pas reçu encore de réponse officielle de Chronopost, mais mes colis n'arrivent en fait, pas chez moi. Donc ils t'ont envoyé la réponse, mais tu l'as pas reçue. Ben ouais, c'est un de leurs soucis. Il faut savoir que c'est le problème qu'ils ont connu avec les masques au mois d'avril. La Poste avait 25 millions de masques cachés, mais quand ils ont voulu commencer à les distribuer aux postiers, ben ils les ont envoyés par la Poste. Et comme il n'y avait plus de postiers, ben ils ne pouvaient pas avoir les masques pour les postiers, donc ça a duré pendant des semaines. C'est ça, malheureusement, la volonté mercantile de détruire un ancien service public qui, je le rappelle, était quand même la fierté de toute une nation. Et qui aujourd'hui bah, est bien triste, quoi. Quand on vous dit un colis chez vous en 48 heures, c'est si vous habitez dans Paris et que vous avez du bol, quoi. Ah, pardon, non, je croyais que tu parlais des hôpitaux quand tu parlais d'un service public qu'on détruit et qui a été fait la fierté, tout ça. Non, mais je... Ah, bah, avant ça, on avait les postiers. Le postier était le fonctionnaire le plus aimé des Français. Il apportait les bonnes Après nouvelles. Après Yannick Noah. C'est vrai qu'on est assez rare qu'on ait envie de spontanément de payer son petit coup de blanc à notre facteur aujourd'hui. Déjà, il se pointe à 15 heures et il a que des factures. Donc écoute Daniel, tu vas te détendre. Hein, j'en profite pour placer une anecdote facteur. Là, c'est pas grave, il y a prescription, tout ça, les gens écoutent pas. Quand j'étais petit, dans mon village, le facteur passait très tard parce que sa maîtresse habitait dans le village. Et donc, en fait, il arrivait genre à midi dans le village, mais jusqu'à 15h, il était chez sa maîtresse. Puis après, de 15 à 16, il se dépêchait de distribuer le courrier avant que le mari de la femme rentre. Véridique. Et je vous jure, c'est vraiment un truc que j'ai vécu pendant plusieurs années avec les enfants de la femme qui taguaient la boîte aux lettres pour insulter le facteur. Parce qu'ils savaient que c'était l'amant de leur... Et je te jure, truc surréaliste, voilà. C'était vraiment une super situation. Et c'est un film de Jacques Demy, ça claque. Complètement. À la campagne normande, hein, c'est, y a que ça de vrai. Non, mais c'est vraiment triste. Ouais. Moi, je vois les bureaux de poste près de chez moi. Il y a peut-être un tiers qui a fermé en 5 ans, un truc dans le genre. Et on n'a plus aucun interlocuteur, en fait. J'ai été obligé de mettre en description de ma vidéo tous les numéros des entrepôts chronopostes que je pouvais avoir pour que les gens puissent les appeler d'eux-mêmes et ne plus passer par leur SAV, parce que de toute façon, ça ne marche pas. Là, je ne sais pas pour vous, mais des fois, j'ai l'impression d'être face à une reconstitution de ce qu'ont dû connaître les mecs en 83-84, quand l'Union soviétique fonctionnait plus. Moi, le SAV, j'avais eu l'occasion de discuter un peu avec les gens qui sont... Parce que du coup, tu peux soit faire des réclamations par Internet ou faire des réclamations par téléphone. Et en fait, quand tu discutes avec les gens un peu au téléphone et que t'es courtois, bah, ils peuvent s'expliquer un peu comment ça marche. Et en fait, bah, ils se contentent de taper sur le même site que toi, sauf qu'ils le font pour toi avec le numéro. Ça sert surtout aux gens qui savent pas se servir d'Internet, mais ils ont pas plus de recours. C'est pas parce que t'appelles le SAV qu'ils sont vraiment dans la machine. Ils vont passer par le même site que toi, la même interface par l'extérieur depuis Internet. Déjà, moi, j'ai eu le cas avec UPS récemment. En fait, quand tu appelles, déjà, pour avoir un conseiller, ça devient la croix et la bannière, puisque de base, tu as un serveur vocal qui fait tout pour que tu n'aies pas accès à ce conseiller. Donc, déjà, tu tapes une machine pendant un quart d'heure, et ce n'est pas un des jouets de Valentin. Et donc, pendant un quart d'heure, tu blablates, tu récites ton numéro, etc. Et à la fin, elle te dit, non, mais de toute façon, compte tenu de ce que vous m'avez dit sur votre livraison, on ne peut pas vous passer un conseiller. Donc, même si toi, tu as une question précise, et à laquelle la machine n'a peut-être pas de réponse, puisque tu peux pas, voilà, tu peux pas poser directement de questions, tu ne fais que répondre à ces questions à elle, bah t'as pas accès à un vrai conseiller. Et en fait, le meilleur service après-vente actuellement que j'ai pu essayer, c'est Twitter. En vrai, par contre, pour le coup, UPS, j'ai envoyé un message sur Twitter et dans les 10 minutes qu'on suivit, j'avais une solution. Donc voilà, plutôt que d'appeler... Et c'est là que c'est tu vois que Archaeotoys est vraiment un mec du passé, puisque en plus des numéros de téléphone, des centres de tri, sur sa vidéo Chronopost, il vous a mis les numéros de fax. Mais oui, parce que ça peut marcher parfois d'envoyer un fax, surtout dans un entrepôt où ils ne répondent jamais. Ok. Faut trouver une application. Moi, quand je harcèle un centre de dépôt, un colis à moi, t'inquiète que je finis par les avoir à un moment, ouais. Non, mais il fallait que tu les récupères, c'est Silverhawks, c'est normal. Mais alors, mon ancien boulot m'obligeait à passer énormément de commandes, et j'ai peut-être commandé l'équivalent de 500 colis sur un an, et j'ai vraiment connu des problèmes avec un tiers d'entre eux, en fait. T'étais dropshipper ? Quasiment. J'étais décoratrice d'intérieur. Mais c'est fou. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui touche particulièrement les collectionneurs parce qu'on achète beaucoup. Mais in fine, voilà, on paye des services extrêmement chers. Je ne vous parle pas des fameux frais de douane qu'on va prendre avec l'Angleterre. Parce qu'il faut savoir aussi que les opérateurs de colis, en fait, leur principal boulot, c'est de transporter vos colis par avion. Et puis après, c'est des auto-entrepreneurs qui viennent les chercher. Mais ils ont un truc très lucratif, c'est la déclaration de douane. S'il n'y a pas d'accord du Brexit, ça veut dire qu'à chaque colis que vous commanderez à Londres, par exemple, vous paierez la TVA et vous paierez 15 euros que prend Chronopost pour soumettre votre truc à la douane. Donc ça, pour eux, c'est ultra lucratif. Grave. Plus vous payez, plus ils sont... enfin, moins il y a de services, et plus eux sont riches. Et le plus fou, c'est que qui est le patron de la Poste, donc de Géopost et de Chronopost, de tout ça, c'est la Caisse des dépôts, c'est l'État. Donc on est en train on a transformé une institution en une espèce de monstre mondialisé. La Poste, aujourd'hui, c'est 24 milliards de chiffre d'affaires. C'est la moitié de Facebook. C'est le deuxième plus gros prestataire de colis en Europe. Et on n'arrive toujours pas à avoir nos colis Simo en deux jours chrono. comme tu te dis, bah merde, vous avez pas sur tous ces milliards, il n'y en a pas un pour offrir une nouvelle casquette à ma factrice qui fait pitié comme je sais pas quoi. On paye du Chronopost des fortunes. Et où va l'argent alors si c'est la Caisse des dépôts ? Eh ben, je pense que l'État est un très très mauvais actionnaire qui prend un maximum de blé autant qu'il peut. Mais faut pas être... Enfin, je pense qu'il faut regarder les choses en face. L'actuel directeur de la Poste, il vient d'être conduit pour la troisième fois. Vous avez l'impression que ces 15 dernières années, ça va mieux? Non, c'est pire en pire. Donc, quelque part, c'est qu'il remplit sa mission. Et sa mission, bah, c'est de se désengager petit à petit de ce qu'on appelle l'Union Postale Universelle, qui est toute une suite de très vieux accords internationaux qui pour la plupart datent des années 1870 et qui oblige les pays à transmettre le courrier à leurs voisins, en fait, à des tarifs fixés, quel que soit le coût réel. Donc là, aujourd'hui, Colissimo est au tarif universel, Chronopost en est libre, et pourtant, c'est la poste pour les deux. Mais donc, ça, voilà. On le verra dans cette magnifique vidéo qui s'appelle « La vérité sur Chronopost » ou « Pourquoi cette vidéo n'est pas un unboxing ». C'est sur la chaîne que... Archaeotoy, ça a été posté le 27 septembre et ça totalise déjà 38 911 vues, 912 puisque je viens d'appuyer sur « Lecture ». Voilà. Et je regarde la pub, hein. Regarde la pub. Je mets un pouce rouge. D'ailleurs, t'as arrêté de bourrer la fin de tes vidéos avec des pubs des années 80 pour faire les 10 j'aimais minutes. J'aimais bien. Et... Alors, beaucoup de gens étaient contents de ça. Je l'ai toujours dit. Hein. C'était pour avoir au moins un minimum de monétisation. Nous, on a ragé. Et souvent, donc, on te le dit en face. C'était 45 secondes, une minute de pub. Vu le format et vu ce dont je parle, sachant que c'était toujours des pubs que je pouvais pas mettre en entier dans la vidéo, mais que j'aimais bien, tu vois, très souvent, c'est des trucs dont j'avais montré 4 secondes, qu'en font 30, et qui, à mon sens, méritaient d'être montrés en entier. Donc non, je l'assume complètement, et c'est plus une manière de donner un peu de complémentarité. Là, c'est tout simplement que la pub que j'ai voulu mettre sur la dernière vidéo qui était sur Mighty Max s'est fait serrer par Lina pour droit d'auteur. Donc j'ai dû l'enlever. Comment Lina peut être propriétaire de pubs ? Ah bah Lina a déposé plein de pubs. Ah ok, super. Donc malheureusement, faut ruser parfois. Mais le bot YouTube pour Lina, oui, fait des dégâts quand tu essaies de récupérer des archives en français. Le bot YouTube m'a striké une très très bonne vidéo de radio. C'était le reportage d'Envoyé Spécial qui est passé dans les années 90 sur toute la FM de ces années-là. Et du coup, Envoyé Spécial, c'est France 2. Et donc Lina m'a dit non, c'est pas possible. En revanche, le reportage qui est passé sur M6 dans Mr Beast quelques années plus tard, lui, il est passé tranquillou. Et il est sur la chaîne YouTube One Macho. Voilà, c'était ma petite auto-promo de fin de podcast. J'espère que vous avez passé un super épisode et que vous avez pu découvrir plein de choses, l'univers notamment de notre invité Archaeotoys. On a répondu à plein de questions super. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il faut aller au parc d'attractions de chez vous avant qu'il soit fermé, ou alors avant que les méchants bobos nous empêchent de faire des zoos humains à côté de chez nous. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas sucer vos figurines des années 80. Voilà, donc ne faites pas ça chez vous, c'est très très dangereux. Sur ce, moi je vais vous laisser et disparaître en espérant que Mister Yonda arrive enfin pour faire la conclusion de ce podcast, puisque c'est un peu la tradition chez nous. Mais voilà, cette fois ça me paraît compromis. Romain, merci d'avoir passé ces 2 heures avec nous, c'était cool. Mais la coolitude était vraiment pour moi, c'était un vrai plaisir d'être en compagnie de véritables esthètes. c'est un mot qui fait tellement plaisir que je suis même pas sûr d'en avoir la définition, je vais aller vérifier. Ça a été un peu le podcast de la connivence, c'est le podcast de entre amis et tout. Mais voilà. Écoutez, dites-le nous en commentaire si vous avez apprécié le fait qu'on se tripote les uns les autres en parlant. Mais c'est un vrai plaisir, on se sent comme à la maison chez vous. Ouais, d'ailleurs, il faudrait que tu enlèves tes pieds de la table et que tu remettes ton pantalon. Voilà, c'est l'idée. Ça que je voulais te dire. C'est l'idée. On vous prépare, chers amis, un petit podcast flashback, un podcast aux origines de, parce que ça va faire 15 ou 16 numéros qu'on discute ensemble, et en fait, vous n'en savez pas grand-chose. Qui sont ces gens qui parlent dans votre radio ? Eh bien, on va vous faire le podcast -1, le podcast des origines. Vous allez enfin tout savoir. Qui est donc ce mystérieux Valentin ? S'appelle-t-il vraiment Vépour ou est-ce un pseudonyme ? Crise de quoi ? Et Matt, quel est donc ce triste personnage ? Vous saurez tout dans un podcast qui va revenir sur nos vies, nos œuvres. Un podcast dans lequel nous allons allègrement nous entresucer. Mais ça, ce sera au sommaire d'un prochain épisode. Du coup, n'hésitez pas à réécouter le reste. Nous sommes sur tous les plateformes de podcast. Nous sommes sur les réseaux sociaux. On s'appelle Lestaminerde. Sur les réseaux de vieux, on est sur Twitter et sur Facebook. Tous les Snap, les TikTok, on n'a toujours pas compris comment ça marche. Et du coup, bisous. Et n'oubliez pas d'aller visiter la chaîne Archaeotoys sur YouTube. A plus. Abonne-toi, mets la cloche. Puis surtout, prêtez vos jouets, mais lavez-vous les mains. Ah, voilà, parce que je crois que tu ne l'as pas fait dans le dernier, je suis pas sûr. Donc là, enfin. Si, si. C'est toi qui l'as fait dans le dernier. Ah c'est bah Valentin voilà. Qui l'a dit. Il m'a dit, ah, t'as pas dit, lavez-vous les mains. J'ai dit, c'est bon, tu l'as dit. Ah, voilà. Donc là, c'est bon. Là, je me sens bien, du coup. On peut finir. C'est quoi, du coup, la dernière phrase du podcast ? Et surtout, lavez-vous les mains.